السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا en cette soirée du samedi 25 Dhul Hijjah 1430, ce qui correspond avec le 12 décembre 2009 بإذن الله عز وجل. Nous sommes toujours avec l'aqida al-wasitiya بإذن الله تعالى au tome 2, cours numéro 50, inshallah ta'ala. Nous sommes toujours avec le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit que la religion c'était la sincérité ou bien la nasiha, le conseil. On a dit à qui, ya Rasulallah? Il a dit à Allah et à son livre et à son messager. Naam. Wa kitabihi wa rasulih. Ensuite il a dit au gouverneur, aux imams et gouverneurs, ensuite il a dit, et à l'ensemble de la communauté. On avait vu, c'était quoi la naseha, et c'était quoi la sincérité envers Allah, ensuite envers son livre, ensuite envers son messager, et ensuite on est arrivé, et on a expliqué aussi, envers les savants, et aujourd'hui, inshallah ta'ala, le conseil et la sincérité envers les gouverneurs, bi'idhnillah ta'ala. Cheikh Ali Rahmatullah dit, An-nasihatu lil-umara'i takunu bi-umurin minha. Il a dit, la sincérité envers les gouverneurs et aussi le conseil, yani, et, ou là, pour qu'il soit, il faut des choses. Pour qu'il soit, ou là, pour qu'elle soit, il faut des choses. Awalan, premièrement, اعتقاد إمامتهم وإمرأتهم. Premièrement, on doit attester qu'ils sont des imams et qu'ils sont des gouverneurs. Qu'ils sont des imams et des gouverneurs. فمن لم يعتقد أنهم أمراء فإنه لم ينصح لهم. Quiconque ne reconnaît pas qu'ils sont des gouverneurs, alors ça veut dire que il n'a pas été sincère envers eux. Il n'aura pas fait la nasiha. لأنه إذا لم يعتقد أنهم أمراء فلم يتمثل أمرهم ولن ينتهي عما نهوا عنه أو عما نهوا عنه. نعم, il a dit, parce que si on ne reconnaît pas, on n'atteste pas qu'ils sont des gouverneurs, alors il y va de soi que on ne va pas leur obéir s'ils donnent des ordres, ni s'éloigner de ce qu'ils ont interdit. Ça c'est clair. فلابد أن تعتقد أنه إمام وأنه أمير. Il a dit, le madhab de Al-Sunna al-Jama'a, il faudrait que tu reconnaisses que c'est un gouverneur et que, يعني, أمير, c'est lui qui commande. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. Il a dit, quiconque des musulmans meurt sans qu'il ait sur son cou, yani, l'allégeance, sans avoir, yani, reconnu et avoir fait l'allégeance à qui? Au gouverneur. Il a dit, celui-là, s'il meurt, il a une mort de quoi? Des djihadites, de ceux qui sont morts avant l'islam. Et ceci, bien sûr, suivant un hadith authentique, qui n'a pas cité ici le shir, mais authentique du messager d'Allah, alayhi sallam, qui a dit que quiconque meurt, yani, lorsqu'il meurt et il n'a pas une allégeance sur son cou, ça veut dire qu'il n'a pas reconnu que son gouverneur, c'est son gouverneur. Alors il a dit, dans ce cas, il meurt une mort comme mouraient les gens dans la période anti-islamique, c'est-à-dire une mort de Jahilite, Jahiliya, l'époque avant l'islam. Il a dit, وَمَنْ تَوَلَّ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ بِالْغَلَبَةِ فَهُوَ إِمَامٌ. Regardez bien ici, quelque chose de très important, ce que dit le cheikh, rahmatullah. Et c'est ça, le minhaj de Al-Sunnah al-Jama'a. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, وَمَنْ تَوَلَّ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ بِالْغَلَبَةِ فَهُوَ إِمَامٌ. Il a dit, quiconque, là, prend le gouvernorat, devient gouverneur, il a dit, même si c'est de force, c'est lui le gouverneur. Pourquoi? Parce que certains gens, ou les takfiroulés, ils disent non, celui-là, ce n'est pas nous qui l'avons voulu. C'est lui qui a pris les rênes du pouvoir de force. Ou bien c'est l'armée qui l'a mis. Ou bien c'est les États-Unis qui l'ont mis. Ou bien je ne sais pas qui l'a mis sur notre tête. Ils vont dire donc celui-là, on ne va pas lui obéir. En parenthèse, quand c'est un musulman, on ne parle pas des kofars. Alors que Sunna al-Jama'a disent, même si ce gouverneur a pris les rênes de force, il a tué tout le monde, il a fait sortir l'armée, il a ceci, il a cela, et il a pris les rênes du pouvoir. Que dit le madhhab de Sunna al-Jama'a? Contrairement au takfir et kharijites, il dit, c'est celui-là toujours ton gouverneur. Écoutez bien ce qui suit. Sawa un kana min Quraysh ou min ghairi Quraysh. Qu'il soit un Qurayshite ou qu'il soit pas de Quraysh. Pourquoi? Parce que certains aussi, les takfiris, les khawarij et d'autres, vont te dire, mais il y a un hadith authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit quoi? Il dit, a'imma min Quraysh. Il dit, les commandeurs ou les gouverneurs sont de Quraysh. Ça veut dire, ils doivent être de Quraysh. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que celui-là qui te gouverne n'est pas de Quraysh. Ça veut dire donc que je ne dois pas lui faire l'allégeance. Donc, ce n'est pas mon gouverneur. Donc, je ne dois pas lui obéir. J'ai un hadith authentique. Il est dans Bukhari, dans Muslim. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le gouverneur doit être de Quraysh et de Quraysh. Donc, alhamdoulilah, celui-là, Bouteflika et Kadhafi, je ne sais pas qui, ils ne sont pas de Quraysh. Donc, je ne dois pas leur obéir. Réponse? Comment répondre Al-Sunnah al-Jama'a? Al-Sunnah al-Jama'a répond avec deux délits très forts. C'est pour ça qu'il est bien de connaître les délits. Comme ça, quand tu fais un débat ou là, tu t'assois avec les takfiris et les khawarij, tu sais comment le répondre. Et s'il te disait, yani, le gouverneur doit être de Quraysh, car il y a un hadith authentique, comment tu vas répondre? Tu vas te taire, tu dis ça. Je ne savais pas qu'il y a un hadith qui disait l'a'imma min Quraysh. Donc celui-là, ce n'est pas mon gouverneur, il n'est pas de Quraysh. Réponse très vite, très vite. Tu lui dis, d'accord, l'a'imma min Quraysh, quand il y a des gens de Quraysh. D'accord, je suis d'accord avec toi. Si deux hommes se présentent pour la présidence, et il y a quelqu'un de Quraysh, et il y a l'autre qui n'est pas de Quraysh, on va devancer celui de Quraysh. Mais donne-moi quelqu'un de Quraysh maintenant. Ça dit premièrement. Deuxièmement, mieux que cela, tu lui dis, celui qui a dit que les gouverneurs doivent être de Quraysh, que la paix soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Lui-même, celui qui a dit ça, a dit dans un hadith authentique, qu'est-ce qu'il a dit? Esmi'u wa ati'u. Entendez et obéissez. Yani au gouverneur. Wa in istu'mila alaykum. Même si, yani celui qui va vous commander, abdun Habashi, même si celui qui va vous commander est un esclave, c'est pas un affranchi, un esclave éthiopien, abyssinien, Habashi, naam, ka'anna, sa tête, on dirait quoi sa tête? On dirait zabiba, on dirait un raisin sec. Vous connaissez zabiba qu'on met sur le couscous. Quand il est un raisin sec, comment il devient? Il devient presque noir. Naam. Donc, celui qui a dit des gouverneurs sont de Quraysh, lui-même, alayhi sallam, a dit dans un hadith authentique, qui se trouve, bien sûr, dans Sahih al-Jami'a, numéro 985, il se trouve aussi dans Sahih Muslim, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous devez obéir au gouverneur, même si c'est un esclave, d'où il vient? Il vient de l'Éthiopie. Et vous êtes d'accord avec moi que ceux qui viennent d'Éthiopie, et qui ont, comme a dit alayhi sallam, la tête et les cheveux noirs, donc que ceux-là ne sont pas de Quraysh. Alors, vous voyez, celui qui a dit les gouverneurs doivent être de Quraysh, lui-même a dit que tu dois yani, écouter et obéir aux gouverneurs, même s'ils viennent d'Abbasini et d'Éthiopie. Donc, toi, le takfiri, hein, il faut que tu ailles, Inch'Allah Ta'ala, apprendre le dîn pour parler. C'est le moyen. Ça, c'est premièrement. Thaniyen, quelles sont yani, nos positions envers les gouverneurs? Qu'est-ce qu'on doit faire? On a dit, premièrement, reconnaître que c'est un gouverneur, même s'il a pris quoi? Même s'il a pris des rênes du pouvoir de force. Si j'oublie, musulman, si j'oublie, rappelle-moi pour que je dise quelle est la cause. Quelle est la cause que le gouverneur, même s'il a pris des rênes de force, je dois lui obéir. Il y a sûrement une sagesse, il y a sûrement une cause. Laquelle? C'est quoi? Si j'oublie, Inch'Allah, faites-le-moi répéter. Faites-le-moi souvenir. Si ça vient dans le cours, khlas. Deuxièmement, notre position envers les gouverneurs. Deuxièmement, nashru mahasinim fi ra'iyya. On doit propager leur qualité entre les gens de la masse. On doit propager leur qualité entre les gens de la masse. Parce que lorsque tu propages leur qualité envers les gens de la masse, entre le peuple, qu'est-ce qui va se passer? Ça va yani, donner que les gens vont l'aimer. Les gens vont l'aimer. Et si les gens vont l'aimer, qu'est-ce qui va se passer? Si les gens vont aimer le gouverneur, ça veut dire que ils vont vite lui obéir. Quand on aime quelqu'un, on lui obéit vite. Ça, vous le savez. عكس ما يفعله بعض الناس حيث ينشر المعايب ويخفي الحسنات. Il a dit, contrairement à ce que font certains gens, que font certains gens? Naam. Il a dit, ils propagent, certains gens propagent les défauts des gouverneurs et cachent leurs qualités. Naam. Quand ils te parlent du gouverneur, ils te citent seulement ses défauts. Ils te disent, c'est un voleur. Il s'est accaparé tous les biens. Il a donné ça et ça à ses enfants. Non. Il a fait entrer X et Y en prison. Non. Mais jamais il te cite qu'il a des qualités. Jamais il te dit qu'il a construit des écoles. Il a construit des mosquées. Il a construit des hôpitaux. Il a construit des routes. Il a bâti des maisons. Ça, jamais il te le dit. Jamais il te le dit. Il te dit quoi? Il te dit seulement, il te montre seulement les défauts pour que tu détestes le gouverneur. Il a dit, fais mathalan. Comme exemple, il a dit, يذكر خصلة واحدة مما يعيب بها على الأمراء وينسى خصال كثيرة مما قالوا به من الخير. Il a dit, yani, au maximum, il te cite une qualité, non, de qui? Du gouverneur, une bonne qualité. Et, non, yani, il ne te cite pas toutes les bonnes qualités du gouverneur. Non. ثالثا, notre position envers les gouverneurs. Troisième position. امتثال ما أمروا به ومنهوا عنه. Je dois lui obéir en ce qu'il a ordonné. Et je dois délaisser ce qu'il m'a interdit. Entre parenthèses, إذا كان في معصية العزول. Sauf bien sûr. Si le gouverneur m'ordonne de faire quelque chose que Allah Ta'ala interdit, le gouverneur m'ordonne de boire de l'alcool et de faire la zina, je ne lui obéis pas. Le gouverneur m'ordonne de désobéir à mes parents, je ne lui obéis pas. Et comme ça. Ou bien, l'âme, il va m'interdire ce que Allah Azzawajal a quoi a permis. L'âme, dans ce cas aussi, je ne lui obéis pas. Parce que il n'y a pas d'obéissance à une créature en quoi on l'a désobéissance d'Allah Azzawajal. Mais comme je l'ai dit une fois, je ne suis pas obligé quand je lui désobéis de le lui montrer. Non, je peux lui désobéir en cachette. S'il m'a quoi? S'il m'a yani, interdit une chose de halal ou bien il m'a poussé à faire le haram. Il a dit, il a dit, et voilà ce qui est très important, il a dit, le fait que tu obéisses au gouverneur, il a dit, Ce n'est pas de la politique, comme chez les gens de la masse. Les gens de la masse, le peuple, etc., ils obéissent à ça par politique. C'est un gouverneur, je lui obéis. Alors que nous, non. On obéit au gouverneur. Pourquoi? Car c'est une adoration. C'est-à-dire que quand tu lui obéis, tu mets dans ton cœur que c'est Allah Ta'ala qui t'a demandé de lui obéir. Et que c'est le messager qui t'a ordonné de lui obéir. Donc, quand je lui obéis, je sais, Inch'Allah Ta'ala, que c'est une adoration et que j'ai des récompenses. Bi'idhnillahi Ta'ala. Bidalil, quelle est la preuve? Bidalil, An Allah Azza wa Jal amara biha. La preuve, c'est que Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jal a ordonné, yani qu'on lui obéisse, et a fait de son obéissance une adoration. Dans le verset, An-Nisa 59. Ya ayyuha alladhina amanu, oh vous les croyants, atti'u Allah, obéissez à Allah, ou atti'u Rasul, et obéissez à son messager. Et voilà le témoin, wa ulil amri minkum, et à ceux qui d'entre vous détiennent le commandement. Subhanallah al-Azim, verset très clair. On doit obéir à Allah, on doit obéir à son messager, et on doit obéir à ceux qui détiennent le commandement. Donc on obéit à trois. On obéit à Allah, et ensuite à son messager, et ensuite tu dois obéir au gouverneur musulman. Vous remarquez bien avec moi une chose très importante dans ce verset. Laquelle? Très importante. Allah Ta'ala a dit, oh vous les croyants, obéissez à Allah. Regardez le mot obéissez à Allah directement ensuite. Obéissez à son messager. Le mot, le verbe, obéissez à son messager. Et troisièmement, il n'a pas dit obéissez à ceux qui d'entre vous détiennent le commandement. Il n'a pas dit obéissez. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit obéissez à Allah, obéissez à son messager et à ceux qui détiennent le commandement d'entre vous. Il n'a pas réemployé le verbe obéissez. Pourquoi? Quelle est la hikma, la sagesse? La sagesse, c'est que Allah Ta'ala, tu lui dois une obéissance totale. C'est pour ça qu'il a dit obéissez à Allah. Le messager d'Allah, tu lui dois une obéissance totale. Il a dit et obéissez au messager. Mais le gouverneur, il n'a pas dit obéissez au gouverneur. Pourquoi? Parce que tu ne lui dois pas une obéissance totale, mais tu lui dois une obéissance, comment? Conditionnée par le fait que yani, ça soit ordonné par Allah ou bien par son messager d'Allah. Conditionnée par le fait, tu lui dois une obéissance conditionnée par le fait qu'elle ne soit pas contredite par les lois d'Allah. Les lois du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà la hikma. Si jamais on vous dit pourquoi Allah Ta'ala a dit obéissez à Allah, a dit obéissez à son messager, et a dit directement, et à ceux qui détiennent les rênes du pouvoir, il n'a pas dit obéissez à ceux qui détiennent les rênes du pouvoir. Inch'Allah Ta'ala, j'espère que vous l'avez bien compris. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymeen, Allah yarhamou, dit une chose très importante. Il a dit, وَلَا يُشْتَرَطُ فِي طَاعَتِهِمْ أَنْ لَا يَعْصُوا اللَّهَ فِي أَنْفُسِهِمْ. Il a dit, et ce n'est pas une condition pour leur obéir qu'ils ne fassent pas de péché en eux-mêmes. Non, il a dit, ce n'est pas une condition. Ce n'est pas la peine que tu me dises, moi je ne lui obéis pas parce qu'il fait des péchés. Il a dit, ça, ce n'est pas une condition. فَأَطِعْهُمْ فِيمَا أَمَرُوا بِهِ وَإِنْ عَصَوُا اللَّهَ تَعَالَى. Il a dit, obéis-lui, obéis à qui? Yani, au gouverneur, obéis-lui. Même, et obéis-lui en ce qu'il t'a demandé de faire et ordonné de faire, même si lui, il désobéit à Allah Azza wa Jalla. لِأَنَّكَ مَأْمُورُ بِطَاعَتِهِمْ وَإِنْ عَصَوُا اللَّهَ فِي أَنْفُسِهِمْ. Car, il t'est ordonné par Allah Azza wa Jalla et son messager de lui obéir, même si lui-même, le gouverneur, désobéit à Allah Ta'ala en lui-même. Non, lui, s'il boit de l'alcool, s'il vole, s'il fait la zina. C'est une chose qui est entre lui et Allah, lui et son Seigneur. Toi, qu'est-ce que tu as? Toi, tu dois lui obéir, c'est tout. C'est un peu comme si tu vas dire, j'obéis pas à mon père. Je te dis pourquoi. Tu me dis par exemple parce que lui, il voit des choses qui sont pas bien à la télévision. Alors, je vais pas lui obéir. Alors, demain, s'il va me dire, va m'acheter du pain, je vais dire non. Parce que tu vois des films qui sont pas bien. Non. Rabbi, quatrièmement. C'est quoi notre position encore et notre devoir envers eux? Sitru ma'aibihim ma amkan. On doit cacher leurs défauts au maximum. Cacher leurs défauts au maximum. Pourquoi? Il a dit, ça ne rentre pas dans la sincérité envers eux. Et ça ne rentre pas dans les conseils qu'on doit avoir envers eux. Si quoi? Il a dit, si tu propages leurs défauts. Lima fi dhalika min mil'il qulubi ghaydan wa haqdan wa hanqan hanaqan ala ulati al-umur. Pourquoi? Parce qu'il a dit le fait que tu propages leurs défauts, ça va servir à remplir les cœurs des gens de quoi? De haine envers eux. Nam, de haine, de vengeance envers eux. Nam. Wa idam tala'atil qulubu min dhalika hasula at-tamarrud. Et maintenant que les cœurs sont remplis de quoi? De haine envers eux. Nam, de haine, de vengeance, de détestement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ça va pousser à vouloir quoi? Se rebeller contre eux. Nam. Car quelqu'un que tu n'aimes pas, quelqu'un que tu détestes, quelqu'un que tu hais, et c'est lui qui te commande. Et un jour, tu vas dire, moi j'en ai marre de celui-là. Et tu vas essayer, si tu trouves l'occasion, de te rebeller contre lui. Naam. Écoutez bien ensuite ce qu'il va dire, c'est très important. Il a dit le fait qu'on dise que on doit cacher quoi? On doit cacher les défauts des gouverneurs. Le fait qu'on dise cela ne veut pas dire que on doit se taire de leurs défauts. Vous voyez la grande différence. Quand je dis que il faut pas parler des gouverneurs comme ça devant tout le monde et citer leurs défauts, ça veut pas dire que moi je dois yani cacher leurs défauts. Mais il a dit, si on peut faire des nasiha au gouverneur comme ça directement, si on le rencontre, il a dit on doit lui faire les nasiha. Ou il a Maintenant, si on ne peut pas, on ne rencontre jamais le président de la République, comment je peux lui faire les nasiha? Donc il a dit, wa illa fabiwasitati man yattasilu bihi min al-ulama wa ahli al-fadl. Alors, fais-lui la nasiha, en quoi? Envoie-lui la nasiha par le biais des savants qui le rencontrent, ou bien des gens vertueux qui le rencontrent. Nan, si tu connais toi un savant qui habite dans ton quartier et que ce savant, tu sais qu'il va rencontrer qui? Le gouverneur. Alors tu dis à ce savant, lui dis, yani, voilà le gouverneur, qu'est-ce qu'il fait, voilà, yani, ses défauts, etc. Ensuite, lui, le savant, quand il va le rencontrer, il va yani, lui faire les nasihats. Mais bien sûr, s'il ne va pas lui faire, toi, devant Allah Ta'ala, tu as fait ce qu'il fallait faire. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, tu vas me dire, il n'y a pas de savant dans mon quartier. Non. Je vais te dire, alors, envoie-lui une lettre. Envoie une lettre au savant. Maintenant, tous les savants ont des numéros de téléphone, ont des emails, ont yani, où les contacter. Si maintenant tu ne peux pas, Allah Azzawajal ne va pas te châtier pour une chose que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas, tu téléphones, personne ne décroche, tu envoies de lettres. Ça n'arrive pas. Devant Allah Azzawajal, tu as fait ce qu'il fallait faire et Allah Azzawajal ne va pas te châtier pour cela. Walihada, il a dit Walihada, Ankara Usama ibn Zayd, radiallahu ta'ala anhu, على قوم يقولون انت لم تفعل ولم تقل لفلان ولفلان يعنون الخليفه. Vous savez, le hadith est dans le Bukhari, Usama ibn Zayd, radiallahu ta'ala anhu, il est de la famille de Uthman ibn Affan. Il est de la famille de Uthman ibn Affan quand Uthman ibn Affan, radiallahu ta'ala anhu, était calife. Alors les gens ont dit à Zayd, à Usama ibn Zayd, ils ont dit pourquoi tu ne fais pas la nasiha à Uthman ibn Affan? Pourquoi tu lui dis pas, par exemple, qu'il ne doit pas faire ceci, il ne doit pas faire cela? Pourquoi tu ne fais pas la nasiha? Alors, il s'est énervé contre eux. Il s'est énervé, Oussama s'est énervé contre les gens qui lui ont dit ça. Il s'est énervé et il a dit quelque chose en ce sens. Il a dit, Atouriduna an uhadithakum bi kulli ma uhadithu bihi al-khalifa, fahada la yumkin. Il leur a dit, donc d'après vous, si je ne vous dis pas que je suis en train de donner des conseils au gouverneur, ça veut dire que je n'en fais pas. Donc, d'après vous, à chaque fois que je conseille le gouverneur, je dois venir prendre le micro et dire aux gens, je voilà, j'ai conseillé le gouverneur. Vous avez dit, c'est comme ça. Et alors ça, c'est faux. Ce n'est pas comme ça. Déjà, le fait de faire la nasiha à un gouverneur, c'est une adoration. C'est entre moi et Allah Ta'ala. Je ne dois pas dire à tout le monde que j'ai fait la nasiha. Sinon, ça rentre dans l'ostentation alors. Ça rentre dans l'ostentation. À chaque fois que je fais une nasiha, je viens, je prends le micro et je dis aux gens, là j'écris dans les journaux, j'ai fait la nasiha à tel gouverneur. Ça, c'est l'ostentation. Donc, je ne suis pas obligé de vous dire que je fais la nasiha. Non. Ensuite, Cheikh Ben Othaymin explique pourquoi. Pourquoi on ne doit pas dire aux gens qu'on a fait la nasiha? Il a dit, فَلَا يُمْكِنُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا قَالَ الْأَمِيرُ. Il a dit, c'est pas possible. Non, que à chaque fois qu'on fasse la nasiha au gouverneur, on doit dire à tout le monde. لِأَنَّهُ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا. Pourquoi? Pourquoi c'est impossible? Il a dit, parce que si maintenant, à chaque fois qu'il fait des nasiha au gouverneur, il va dire aux gens. Il va se passer une des deux choses. Ou bien, أَنْ يَكُونَ الْأَمِيرُ نَفَّذَ مَا قَالَ. Ou bien, le gouverneur, maintenant, a appliqué ce que je lui ai fait comme nasiha. Et dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Alors les gens vont dire, regardez, ils vont dire comment le gouverneur a abdiqué et s'est mis à genoux. Regardez, X ou la Y qui lui a fait des nasiha, il a abdiqué. Grâce. Il a reconnu et il s'est mis à genoux. Ça, c'est pas bien, bien sûr. Ou bien, le gouverneur, quand tu ne vas pas lui faire des nasiha, ou bien il refuse. Il n'applique pas. Et alors, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Asa wa tamarrad. Asa. Non. Il a désobéi. Il n'a pas voulu prendre des nasiha. Wa tamarrad. Et il s'est rebellé. Il n'accepte pas les nasiha. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va le détester encore plus. On va quoi? On va le détester encore plus. C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai lu une fois dans un livre de. Pas un livre, comme ça, une risala de Salah Fawzan. Il écrit, Hafidhahullah, le grand savant. Il écrivait quelque chose, ensuite il a dit. Il expliquait comme ça, Nasiha, etc. Ensuite il a dit. Il a dit, les gens croient que, puisqu'on ne leur dit pas qu'on a fait la Nasiha au savant, au gouverneur, croient qu'on ne fait pas la Nasiha. Non. Et il a cité. Combien de fois il a envoyé deux lettres au gouverneur? 600 ou là 800 ou là, je ne sais pas combien. Même Cheikh Rabbi, la même chose. Il a dit, les gens, je crois qu'il faut qu'on leur dise qu'on fait la nasiha, sinon ça veut dire qu'on ne fait pas la nasiha. Il a dit, moi personnellement, il a cité 800 ou là 1000 fois ou là, j'ai envoyé pour dire yani, telle lettre. Et il cite les dates. Tel jour, tel jour, tel jour, telle date, telle date, telle date, telle date, telle date. Et comme ça, les grands savants. Et comme ça, les grands savants, sans vous dire que Cheikh Ben Baz, rahimahullah, quand il était en présence du gouverneur et du roi, certains jurent par Allah Ta'ala que lorsqu'il commençait à parler et dire et yani, faire la nasiha au roi et lui dire ça c'est haram, il ne faut pas faire cette chose, il ne faut pas faire ceci, que le roi lui-même, Yanni avait peur et disait aux gens, Yanni comme ça avec sa main, il dit laissez-le parler, laissez-le parce que, Yanni, laissez-le. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas. Cheikh Ben Baz il ne voit pas. Donc le roi, quand il fait comme ça avec les mains, il leur dit laissez-le terminer, laissez-le tellement il a peur de lui. Pour les gens qui disent que Yanni Cheikh Ben Baz était un non-voyant, il ne sait pas ce qui se passe, et Cheikh Ben Othaymine, Cheikh Fawzan, et tous les grands savants, ce sont des savants du gouverneur. Ils ne disent pas la vérité. Non, ils ne disent pas, ils ne montrent pas le haq. Ils cachent le haq. Comme ça disent les takfirs. Pour que tu saches si quelqu'un est takfiré, l'un des grands signes qui te disent des savants, ils cachent la vérité, ils ne disent pas la vérité. Non, subhanallah al-azim. Subhanaka al-azim. C'est l'un des plus grands mensonges que puisse mentir une personne. C'est de dire que tel grand savant, yani, ne dit pas la vérité et ne donne pas des conseils au gouverneur et au roi. C'est l'une des plus grands mensonges qui risque de t'apporter l'un des plus grands châtiments demain devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous ces grands savants demain devant Allah ta'ala vont demander leur haqq, vont dire ya Allah, tous les takfiriyons du monde ont parlé de nous en mal et ont menti et ont dit qu'on ne faisait pas la nasiha au gouverneur. Ya Allah, vous êtes témoin, est-ce qu'on a fait la nasiha ou pas? Ce jour-là, les takfiriyons seront avilés, seront humiliés pour avoir menti sur les grands savants et avoir dit ce qu'ils ne connaissent pas. Ils croient que à chaque fois que Cheikh Ben Baz va faire une nasiha, il faut qu'il vienne prendre le micro et dire j'ai fait la nasiha. Ou ils croient que si le roi ou la je ne sais pas qui, le gouverneur, n'applique pas ou la vole ou la fait la zina ou là, ça veut dire qu'on ne lui a pas dit. Naam, on ne lui a pas dit. Si Cheikh Ben Outhaymeen lui avait dit, il aurait arrêté. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tout ça, ce n'est pas vrai. El Mouhim, qu'est-ce qu'il dit ici? Walidalika, Cheikh Lahmoudi, c'est pour ça que, min al-hikma, ça rend dans la sagesse, idana sahta oulat al-umur, si tu fais la nasiha au gouverneur, an la tubayyina dhalika lin-nas, que tu ne dises pas aux gens que je leur ai fait la nasiha. Li-anna fi dhalika dhararan azimun. Pourquoi? Parce qu'en cela, il y a quoi? Il y a un grand mal. Il y a un grand mal, naam. Parce que s'il n'applique pas, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire donc celui-là, il n'applique pas. Cheikh lui a fait la nasiha, il ne veut pas appliquer. C'est un salaud, c'est un ceci, c'est un cela. Il commence à quoi? À l'insulter. Naam. Et d'ailleurs, le messager d'Allah, a.s.w., a été très clair quand il a dit dans un hadith authentique. Quand il a dit dans un hadith authentique. J'ai oublié seulement de citer le hadith où il se trouve. Naam, je l'ai là aussi devant moi. Qu'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Regardez ce qu'il dit, comment qu'on fait la nasiha au gouverneur. Hein? S'il y a des takfiriyoun avec nous dans le salon, qu'ils ouvrent bien leurs oreilles, qu'ils les lavent bien pour qu'elles soient propres, pour qu'ils puissent entendre qui va parler ici, le messager alayhi sallam, que tu prétends, toi le takfiri, toi le khariji, que tu prétends suivre. Toi tu dis, hein, kitab wa sunnah, comme ça disent les takfiri, kitab wa sunnah. Naam, kitab ou sunnah, les salaf salah, les ceci, naam, salaf salah, kitab ou sunnah. Alors écoute le messager d'Allah, ce qu'il dit. Il a dit, men arada an yansaha lidi sultan. Il a dit, quiconque voudrait faire une nasiha, un conseil à quelqu'un qui a le pouvoir, sultan, fala yubdihi alaniya, qu'il ne le fasse pas en public. Allahu Akbar, première condition. Qu'il ne le fasse pas en public. Walakin, ya'khud bi yadihi, qu'il le prenne de sa main. Fa yakhlu bihi, qu'il soit avec lui en tête à tête. Tête à tête. Pas devant tout le monde. Naam. Fa in qabila minhu fa dhak. Ensuite, si le gouverneur accepte de lui, alhamdulillah. Wa illa, si le gouverneur n'accepte pas, si le gouverneur n'accepte pas, tu as fait alors ce qu'il fallait faire devant Allah Azza. Tu as fait ton devoir. Vous pouvez rencontrer, trouver ce hadith, le vérifier dans Dhilal al-Jannah, le livre Dhilal al-Jannah de Sheikh Al-Albani rahimahullah, hadith numéro 1096. Il a dit hadith authentique. Donc vous voyez, le fait de faire la nasiha à qui? Au gouverneur. C'est aussi une adoration. Et ce n'est pas toi qui choisis comment faire l'adoration. Comme ce n'est pas toi qui choisis comment faire salat al-dhar. Tu ne vas pas dire Allah Ta'ala dit faites la salat. Donc, salat al-sabh, je vais faire 3 rak'at. Salat al-dhar 6. Salat al-maghrib 4. Ce n'est pas toi qui choisis. La même chose ici. Le messager d'Allah t'a dit il faut faire des conseils, il faut donner des conseils au gouverneur. Mais il t'a montré comment. Il t'a dit premièrement, tu ne dois pas faire ça en public. Premièrement. Deuxièmement, tu dois être en tête à tête avec lui et prendre sa main. Regardez, quand je prends la main de quelqu'un, c'est quoi? Ça aide à adoucir les cœurs. Regardez, essayez-le quand quelqu'un veut vous parler, veut vous donner un conseil. S'il vient et te dit directement, écoute-toi, espèce de pervers, etc., déjà tu n'acceptes pas de lui. Déjà, khlas, même s'il dit le haq, il dit le haq, il dit la salat est obligatoire, tu ne veux pas accepter de lui. Il a commencé très mal. sa da'wa et sa prédication et ses conseils. Déjà, il a commencé par m'insulter. Imagine maintenant que quelqu'un vienne et te prenne par la main. Non, mais sa main dans ta main, si c'est un homme avec un homme, si c'est une sœur, elle met la main dans la main de sa sœur. Elle lui dit, écoute, ceci et cela, elle va vite accepter. Le fait déjà de l'avoir pris la personne par la main, ça a un effet, non, immense sur le cœur. C'est pour ça que le message de l'a cité. C'est pas venu comme ça, yani, par hasard. Non. Prendre la main de quelqu'un avant de lui parler, ça joue un très grand rôle. Essayez-le et rendez-moi la réponse. Non, choisissez deux frères, va vers le premier et parle-lui sans lui prendre sa main, et va vers une autre personne, un deuxième, parle-lui, mais d'abord prends-lui la main et parle-lui. Tu vas voir, yani, la grande différence qu'il va y avoir entre les deux personnes alors que tu as dit la même phrase. La même phrase que tu as dite au premier, tu l'as répétée au second. Non. Donc de là, on comprend quoi? On comprend, puisque ce hadith dit que il faut pas la faire en public et que on doit lui prendre la main quand on parle, etc. Donc on comprend la grande faute des gens qui s'assoient dans les cafés et qui parlent des fautes du gouverneur. Et la grande faute de ceux et celles, quoi, qui écrivent dans les journaux et critiquent les gouverneurs dans les journaux. Allahu Akbar. Pour que tout le monde lise à la télé, il vient à la télé et critique le gouverneur. Naam, tout ça, ce n'est pas Ahl Sunna ou Jama'a. Ahl Sunna ou Jama'a te dit, s'il y a, bien sûr, le gouverneur n'est pas infaillible, il fait des fautes et il vole, il fait des grands péchés. Si tu as des remarques à aller lui faire, fais-les lui directement, en allant chez lui si tu peux, et en tête à tête, en lui prenant la main. Tu peux pas? Tu dis aux savants, tu leur écris. Eux, ils lui fassent la nasiha. Tu peux pas, Allah Ta'ala sait que tu ne peux pas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mais que tu viennes t'asseoir dans les cafés, les cybercafés, et venir dans les salons pour yani, critiquer les gouverneurs, et pour faire rébeller les gens contre eux, et pour aussi, a'oudou billah, a'oudou billah, a'oudou billah, les rendre mécréants. Alors là, c'est vraiment, yani, c'est vraiment l'extrémisme. C'est vraiment le terrorisme. C'est ça le terrorisme. Non. C'est vraiment loin, loin, loin de l'islam, le vrai, le pur. L'islam de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, de Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Non. C'est vraiment loin de cet islam. Celui-là, c'est l'islam des takfiriyin, l'islam des khawarij, l'islam des talibans. L'islam de qui? De talibans. Les talibans et les talibanes. Les talibans d'Afghanistan. Qui, vous savez c'est quoi l'Afghanistan? L'Afghanistan, c'est le, je crois, si je ne me trompe pas, sinon si je me trompe, c'est le deuxième. Mais sinon, c'est le premier pays exportateur de la drogue au monde. Dans le monde, c'est le premier pays qui exporte quoi? La drogue. Donc les talibans, avec la barbe qui descend jusqu'au nombril, ils te fument d'abord une livre ou là, un kilo de drogue. Ensuite, il vient te parler de l'islam. Il va te dire, on va faire un État islamique. Un État islamique. Toi, avec ta drogue, tu vas en faire un État islamique. Commence par faire le djihad à toi-même, d'arrêter la drogue. C'est pas de la fumée, hein, je vous parle pas de fumer de la drogue, non. À vendre la drogue. À vendre la drogue. Commence d'abord d'arrêter de la vendre. Ensuite, d'arrêter de la consommer. Dans ce cas, tu auras fait quoi? Tu auras fait un État islamique dans ton cœur. Et dans ton âme, et dans ton corps, et dans ta personne. Ensuite, on va voir comment avoir un État islamique à l'extérieur. Commence par avoir un État islamique chez toi, en ta propre personne et en ta famille. Ensuite, Inch'Allah Ta'ala, Allah Ta'ala va te donner l'État islamique. Car lui, il a dit que, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il ne changerait jamais en une communauté si elle ne change pas. Toi, le taliban, tant que tu fumes la drogue et tu vends la drogue, jamais Allah Ta'ala ne te donnera l'État islamique. Jamais il te donnera l'État islamique. Moi, j'ai été très déçu, ça fait un mois ou là, je voyais quelque chose à la télé, ça parlait de l'Afghanistan, où on a montré une femme, disons de 30 ans à peu près, ou de 35, avec sa belle-mère. Avec sa belle-mère. Les deux, elles étaient en train de dormir, et elles avaient au milieu, elles avaient, je ne sais pas comment on appelle ça, comme le truc qui se trouve chez les Égyptiens. On dit ça chicha. C'est quelque chose comme ça, où il y a un nez qui a un petit tuyau, tu fumes un peu, tu donnes à l'autre. Tu donnes à l'autre, il fume, ensuite il te la rend un peu, ensuite tu la lui donnes. Et, subhanallah, il faisait comme ça. Il y a un nez, la belle-mère avec sa belle-fille. L'autre, elle tire un peu, ensuite elle lui donne. La drogue, bien sûr. Elle lui donne, tiens, fume un peu, ensuite elle la donne. Jusqu'à, elle faisait ça avant de dormir. Et ensuite, elle dit que la jeune fille, ou la, comment ça s'appelle, la femme de 30 ans ou la 35 ans, qu'est-ce qu'elle avait? Elle a appelé son petit-fils, qui avait peut-être 4 ou 5 ans. Il est venu vers elle. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait rempli sa bouche de drogue. Et quand il est arrivé vers elle, elle lui a soufflé, yani, cette drogue sur son visage. Et elle a dit à celle qui l'interrogeait, ou là, qui. Non, celle qui faisait le documentaire sur elle, lui a dit, je lui ai jeté la fumée sur son visage pour que ça l'étourdisse, pour qu'il puisse dormir. Comme ça, tout jeune à 4 ans, on lui jette la drogue sur son visage et pour qu'il ça l'étourdisse, et ça commence déjà à aimer la drogue comme ça, tout jeune. Ensuite, on nous a montré quelqu'un, le barbu là, le barbu de 60 ans ou 65 ans, il lui a dit, moi, ça fait l'âge de 8 ans ou les 10 ans. Et j'avais 10 ans là quand j'ai commencé la drogue. Il lui a dit, je ne peux jamais l'arrêter. Et celui-là, il va à la mosquée, il fait la prière. Et il dit quoi? Il dit, Dawla Islamia, État islamique. On veut un califat, on veut un califat. Attends le califat, il va te donner de la terre. Attends, tu peux attendre. Attends le califat, va planter de la drogue et attends. Attends, plante beaucoup de drogue pour que la terre te donne le califat très vite. Non, plante tout ce que tu as. Plante vite la drogue et l'opium et attends le califat. Tu vas te réveiller un matin, il va te le donner de la subhanahu wa ta'ala. Non. Qu'est-ce qu'il a dit ensuite ici? Non. Khamisan, cinquièmement et dernièrement, non, dernière position envers les gouverneurs, qu'est-ce qu'il a dit? Cinquièmement, Adamul Khuruji alayhim, très important. Adamul Khuruji alayhim, l'interdiction de se rebeller contre eux les gouverneurs. وعدم المنابذة لهم. نعم. ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في منابذتهم إلا كما قال. Et il est interdit de se rebeller contre eux, sauf dans un cas. نعم, dans un cas. Lequel? أن تروا. Si vous voyez, voyez, voyez, comme tu vois avec tes yeux, tu vois. Ce n'est pas un rêve. Tu vois. Ce n'est pas on te raconte. Tu vois avec tes yeux. كفرًا, كفرًا. Tu vois quoi? Une mécréance. Tu vois pas la perversité. Tu vois la mécréance. Kofran, bawahan, bawahan, clair. Très clair. Comme le soleil. Est-ce que quand tu vois le soleil, est-ce que quelqu'un peut se tromper et va dire, ce n'est pas le soleil, c'est un ballon, c'est un ballon? Non, c'est le soleil. C'est le soleil. Personne ne peut se tromper. Non. Indakum, c'est pas terminé. Indakum, fihi min Allah Ibrahim. Et que vous ayez de cette mécréance, un burhan, burhan, yani des délits, des preuves de Allah Ta'ala. C'est clair que ce délit vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, un délit yani irréfutable. Il a dit seulement dans ce cas qu'il est permis de se rebeller contre un gouverneur. Mais attendez, si c'est permis, est-ce que ça veut dire que c'est obligatoire? Voilà ce que ne comprennent pas beaucoup de gens. Supposons, je vais prendre l'exemple de toujours d'un gouverneur ici, de mon gouverneur ici, en Algérie. Et je vais donner l'exemple. Supposons que le gouverneur, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, vienne à la télé et dise, je hais l'islam, je déteste l'islam, je suis contre l'islam. Non. Mohammed n'était pas un prophète. Ou là, c'est ceci, cela. Classe. Celui-là, c'est une mécréance claire, claire, visible. Il a dit devant tout le monde, il n'est ni sot, ni malade, ni, il a dit ça. Est-ce que ça veut dire que, classe, je dois me rébeller? Il y a une grande différence entre la permission de se rébeller et l'obligation de se rebeller. Regardez ce que dit Cheikh Allah. Thumma idha jaza al-khuruj alayhim bihadhihi ash-shurut. Fahal ma'na dhalika annahu yajib? Il a dit, s'il est maintenant permis, après que toutes les conditions soient réunies et il n'y a plus d'empêchement, si maintenant c'est permis de se rebeller contre un gouverneur, il a dit, est-ce que ça veut dire que c'est obligé? Al-Jawab, réponse, non. La nakhruju hatta walaw ra'ayna kufran bawan. On ne va pas se rebeller, même si on voit une mécréance claire et on a des délits qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf illa haytu yakunu fil khuruj maslaha. Sauf si dans la rébellion elle-même contre le gouverneur, si dans la rébellion il y a quoi? Il y a, c'est-à-dire des résultats, de bons résultats, hein? Et c'est pour notre intérêt. وَلَيْسَ مِنْ مَصْلَحَتِي أَنْ تَقُومَ فِيَةٌ قَلِيلًا. Et ça ne rentre jamais dans le maslaha, dans les intérêts, que un petit groupe de gens. Un petit groupe de gens, سِلَحُوَا قَلِيلًا, qui n'a que quelques armes, فِي وَجْهِ دَوْلًا, qui va se rébeller contre qui? Contre un État. Un État du قُوَّتِيَا, qui a une grande puissance et beaucoup d'armes, ou سِلَحُ. Pourquoi? Parce que dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'État qui va te vaincre et ça va donner quoi? Ça va faire couler du sang. Et ça va, ce qui est haram, ça va le rendre licite. Qu'est-ce qui est haram par exemple? Par exemple les femmes. Toutes les femmes, toutes nos femmes maintenant, sont haram pour les étrangers. Alhamdoulilah, elles sont cachées chez nous, dans nos maisons, nos femmes et nos filles. Mais s'il y a la guerre et le soldat va rentrer chez moi, qu'est-ce qu'il va faire? Après m'avoir tué, il va sauter sur ma femme et mes filles. Donc ça va faire, ça va devenir halal pour lui. Il a dit, دون ارتفاع المحظور. نعم, كما هو مشاهد في عهد خروج الخوارج. Comme il a dit, ça a été vécu et vu pendant la rébellion des qui? Des khawarij, des kharijites. في زمن خلفاء الراشدين. Autant des califes bien guidés. Autant de Uthman, autant de Ali. Radiallahu anhu, il a يومنا هذا. Jusqu'à de nos jours. حيث يحصل من الشر والمفاسد ما لا يعلمه إلا رب العباد. Au point où, ou du fait que, il va arriver dans la rébellion, ça va donner, yani, le mal et les nuisances, il a dit, que seul Allah Ta'ala connaît. Que seul Allah Azza wa Jal connaît. Naam, c'est pour ça que Cheikh l'Islam, rahimahullah, Ibn Taymiyyah, et la cité aussi de lui, son élève Ibn al-Qayyim, a dit que jamais, jamais, jamais, jamais dans l'histoire du monde musulman, il n'y a eu autant de mal et de fitna plus que lorsque les gens ont voulu ou se sont rebellés contre le gouverneur musulman. Non, jamais, apprenez ça, c'est une règle, jamais il n'y a autant de mal, de sang qui coule, de vol, ce qu'on peut voler, de viol de femmes, hein, autant que lorsque yani, on se rebelle contre le gouverneur. Pourquoi? Le gouverneur, comme vous le savez, peut tuer son père, sa mère, hein, et ses enfants à cause de sa chaise et de son fauteuil. Il est prêt à le faire. Et certains l'ont fait. Certains ont emprisonné leur père pour prendre leur place. C'est pas la peine de citer les noms. Subhanallah al-Azim. Donc celui-là qui peut tuer son père et sa mère à cause du fauteuil, qu'est-ce qu'il va faire à cause de moi? Moi, le barbu avec le camis qui veut lui prendre sa place. Je lui dis, je vais me rebeller contre toi, tu n'es pas un bon gouverneur. Et, comme vous savez, dans la plupart des cas, c'est lui qui gagne. Pourquoi c'est lui qui gagne dans la plupart des cas? Pour deux choses au moins. La première, parce que j'ai désobéi au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah Ta'ala veut quoi? Veut me punir d'abord, en me montrant que quelqu'un qui désobéit, je ne lui donne pas la victoire. Des wahda. Et deuxièmement, pourquoi il va me battre? Parce que lui, il est plus fort que moi. 10, 100, 20, 1000 fois plus fort que moi. Naam. Il a tout ce qu'il faut pour mener une guerre. Et moi, j'ai quoi? J'ai deux épées, trois fourchettes, et 5 casseroles et 6 cailloux et 6 cailloux et 2 bombes et je suis sorti lui faire la guerre. Donc, dans tous les cas, presque tous les cas, c'est lui qui me gagne. Et d'ailleurs, comme a dit Cheikh Al-Albani, une fois il a dit, si tu fais la guerre au gouverneur, ce qui est interdit, bien sûr, tu dois, parce que Allah a dit que on doit nous préparer, yani, contre l'ennemi, ça. Il a dit, rentre dans la préparation, que si tu sais que le gouverneur de tel État, en cas où tu lui fais la guerre, il va faire appel, par exemple, aux États-Unis, tu dois donc, toi aussi, avoir quoi? Les armes, les mêmes armes que possèdent les États-Unis. Et si tu sais que ce gouverneur va faire appel à la Grande-Bretagne et à l'Italie, tu dois avoir préparé les mêmes armes qu'à la Grande-Bretagne et l'Italie. Parce que, comme vous le savez, c'est sûr, vous savez ça. Vous savez qu'un gouverneur, si jamais tu te rebelles contre lui, il te fait la guerre, si jamais il n'a pas pu, si jamais, disons qu'il n'a pas pu, qu'est-ce qui va se passer? Sûrement qu'il va faire appel aux autres. Hein? Exactement comme l'Arabie Saoudite a fait appel aux États-Unis. C'est toujours comme ça, on fait toujours appel, personne ne veut mourir, personne n'accepte de mourir. Tout le monde voudrait faire appel à d'autres pour sauver sa peau. Donc toi aussi, tu dois préparer, yani, au cas où il ferait appel à tel et tel pays. Donc, sortir et se rebeller contre le gouverneur, ça ne donne jamais un résultat. Et vous pouvez le confirmer, depuis des siècles et des siècles, que les takfirites et les khawarij font la guerre au gouverneur, ils n'ont jamais réussi. Ni ici, ni en Afghanistan, ni en Algérie, ni en Égypte, ni en Syrie, ni, ils n'ont jamais réussi. Non. Il a dit enfin, summa inna naqul, ma mizanul kufr. Non, hadi inshallah ta'ala, on l'a expliqué. Donc, idna azza wa jal, il est 9h30, j'arrête ici. Inch'Allah Ta'ala. Inch'Allah Ta'ala, vous l'aurez compris que, l'islam, c'est avec cela que je voudrais terminer, Inch'Allah Ta'ala. L'islam, quand il interdit, quand il interdit de se rebeller contre le gouverneur musulman, bien sûr, même kafir, hein, je dis en parenthèse, même kafir, même le gouverneur kafir, lequel il t'est permis de se rebeller contre lui, ça ne veut pas dire que c'est obligé quand je n'ai pas les moyens. Non. Quelle est la différence entre le gouverneur musulman et kafir quand tu te rebelles contre lui? Les deux, ils vont te faire la guerre. Et les deux vont quoi? Vont yani, te gagner. Les deux. Donc, si c'est permis de se rebeller, ce qu'il faut apprendre, c'est que ce n'est pas obligé si je n'ai pas réuni les conditions. Donc, pour les gens qui croient que yani, je ne me rebelle pas parce que je suis quoi? Parce que je suis un lâche ou un traître ou là j'ai peur. Ce n'est pas ça. L'islam, c'est la religion de quoi? De yani, du courage. Naam, le messager de la Ressoulam, il n'y avait pas quelqu'un qui était plus courageux que lui. Et pourtant, c'est lui qui a dit qu'il ne fallait pas faire cette chose. Parce qu'il sait quoi? Que ça ne donne pas de résultat. Ça donne seulement le mal et les grands maux et les grandes nuisances. C'est Allah Ta'ala qui t'a créé. Et Allah Ta'ala sait ce que tu ne sais pas. Il sait que tu ne dois pas faire cette chose parce que tu ne vas pas y en avoir de résultat. C'est pour ça qu'il t'a interdit de leur faire. Ensuite, ce qui est grave, ce qui est vraiment grave, c'est quoi? Hein? Ce qui est vraiment grave, c'est que. Naam, je prends le hadith de Abu Zakil qui l'a mis ici pour vous le mettre ici, inshallah ta'ala, une seconde. Naam. Voilà le hadith, ce qu'il dit, une seconde. Le hadith que j'ai cité tout à l'heure. Naam. Le hadith que j'ai cité tout à l'heure. Hadith authentique. Quiconque voudrait faire l'ancien au sultan, qu'il ne le fasse pas en public, mais qu'il le prenne par la main. S'il l'accepte, c'est bien. Sinon, tu as accompli ton devoir. Hadith authentique, j'ai cité son numéro. J'ai dit, ce qui est plus grave ici, c'est quoi? Ce qui est plus grave, écoutez bien ce que je vais dire, ce qui est plus grave, c'est que les takfirs et les khawarij de notre époque, yani, ceux qui poussent les gens et les gonflent pour qu'ils se rebellent, etc., jamais, yani, ils ne le font véridiquement et sincèrement. Ils le font seulement cachés derrière des PC. Ils prennent des surnoms, Abu Rumeysa et Abu je ne sais qui, et il se cache derrière un PC, tu ne connais jamais son vrai nom ni son prénom. Et il te remplit, il t'enfle. Alors que tu cherches vraiment qui c'est celui-là? Peut-être à 95%. Je dis bien, écoutez bien ce que je dis. À 95%, tu trouves que lui-même, il est avec la DST, il travaille avec eux. Non, lui-même, tu trouves qu'il travaille avec l'armée et la DST. Alors qu'il vient ici te remplir, il faut faire des bombes, il faut ceci, il faut cela. La preuve, jamais il ne va au djihad. Toujours il est caché derrière son PC. Et je connais quelqu'un qui a juré par Allah, qu'il a dit à un tekfiri, je te paye le billet. Non, je te paye le billet d'avion pour l'Irak ou pour la Palestine. J'ai oublié où. Seulement, puisque toi tu parles, viens et pars là-bas. Et il n'a pas accepté de partir. Il n'a pas accepté de partir. C'est pour ça que ceux-là, ceux qui disent que c'est obligé d'aller, c'est obligé de se rebeller, c'est obligé de faire la guerre au gouverneur musulman, ceux-là, un grand, grand, grand châtiment les attend demain devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Pour avoir dit ce qu'ils ne font pas. Pour avoir enjoint le bien alors qu'ils ne l'ont pas fait. Au moins toi, moi, vous, si vous êtes en train de m'entendre, au moins, alhamdoulilah, pour vous, il n'y a pas de djihad maintenant. Aucun savant n'a dit, dans tel pays, il y a le djihad, va faire le djihad. S'ils ont dit qu'il y a le djihad, ils ont dit pour ceux qui sont là-bas. Ils n'ont pas dit, toi, il est obligé que tu partes. Au moins, alhamdoulilah, yani, tu n'as pas dit en ton cœur qu'il y a le djihad, je ne suis pas parti. Quant à eux, ils disent, il y a le djihad. Celui qui ne part pas, c'est un pervers, c'est un mécréancien, et eux, ils ne partent pas. Ils sont là. En Belgique, ils sont là, à Paris, en France, je ne sais pas où, hein, en train d'amasser de l'argent, l'euro, et de se marier des femmes, et ils restent là-bas. Qu'Allah Ta'ala nous en préserve, nous préserve des hypocrites, et Allah Ta'ala préserve-nous des hypocrites, et Allah Ta'ala préserve-nous des hypocrites. Et même dans des sœurs, même chez des sœurs, il y a les sœurs qui parlent on veut le califat, on veut ceci, on veut cela. Et elles sont là dans leur maison avec des piscines. Elles se tapent des piscines dans les maisons. Et elles font des fêtes tout le temps. Et elles dansent. Et elles disent, on veut le califat. Si tu veux le califat, ma soeur, qu'est-ce qui t'empêche d'aller à Palestine? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Va en Irak. Va en Irak. Que Allah Ta'ala nous préserve des hypocrites. Amin, amin, amin. On se rencontre, inshallah Ta'ala, dans un quart d'heure, inshallah Ta'ala, ou là une demi-heure, le temps d'aller manger. Ya Allah Ta'ala, préserve-nous des aubergines. Amin, amin. Salamu alaykoum. Salamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. D'abord, inshallah Ta'ala, avant de passer aux questions. Vous savez que dans la room, que ce soit dans celle-ci ou dans celle de l'Inspic. Vous savez, il y a toujours des gens qui rentrent, il y en a qui sont pas, par exemple, dans le Minhaj, ils sont pas dans le Sunna ou le Jama'a, des gens de Takfir, des gens de Habash, hein? Et puisqu'ils trouvent que ils ont tous le raid, hein? Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des liens à d'autres personnes, ils envoient des PV, des liens. Et subhanallah, comme dans le cours passé, ça m'a vraiment étonné qu'une personne rentre avec un nom de Abu, si je ne me trompe pas, c'est même Abu Esya ou quelque chose comme ça, subhanallah, et il envoie des PV au sort en disant quoi? Yani, si tu veux, Yani, te montrer dans la webcam, et comme ça, des choses obscènes, bien sûr, subhanallah. Donc moi, je lui dis, surtout aux sœurs, surtout. Quand vous êtes dans le salon, vous devez, inshallah ta'ala, fermer vos PV. Bloquer les PV. Personne ne peut vous contacter. Si vous voulez vous contacter en vous-même, vous devez avoir les noms de vos contacts dans la liste. Quand vous avez dans la liste contacts vos amis, ils peuvent vous contacter à condition que vous n'êtes pas en mode not disturb. Sinon, bien sûr, personne ne peut vous contacter. Min muhim. Après avoir bloqué vos PV, vous avez cette faveur d'écouter un dos sans être dérangé. Personne ne peut vous envoyer quelque chose. Voyez, pour les nouveaux et les nouvelles, comment fermer nos PV, comment les bloquer. Donc, je vous montre, Inch'Allah, très vite. Vous allez à la page principale du Paltalk. La page principale du Paltalk. Là où on a quoi? Là où on a, c'est écrit Paltalk Sen. Paltalk Sen, on a la liste des amis. Donc, dans la page principale, pas celle-là, pas la page de où je vous parle, l'autre, la principale. C'est écrit en haut, c'est écrit File. Ensuite, Action favorite, Help. Vous cliquez sur File. Cliquez sur File. Après avoir cliqué sur File, Muslim, si tu peux en même temps, moi je parle, toi tu écris, Inch'Allah Ta'ala, dans le salon. Donc, on commence quoi? On clique sur File. Après avoir cliqué sur File, on clique sur Setup préférences. Après avoir cliqué sur File, on clique sur Setup préférences. Taïeb, une seconde, Inch'Allah Ta'ala. Peut-être le frère n'est pas avec nous. Donc, File. Ensuite, Setup préférences. Ah, voilà, il est là. Alhamdoulilah. File, Setup préférences. Ensuite, après avoir cliqué sur Setup préférences, on clique sur. Attendez, qu'est-ce qui va s'ouvrir? On clique sur. Nam. C'est écrit général, banner, file, transfert, audio, setup, webcam, privé ici. Ou c'est écrit en bas, privacy. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est écrit privacy. Là-bas, vous aurez le choix entre trois choses. Vous aurez le choix entre trois choses. Vous avez écrit en haut, il y a. Wo, bon, je ne connais pas l'anglais, je vous parle comme les Français parlent l'anglais. Who can contact me? Qui peut me contacter? Vous avez la première, allô, yani tout le monde peut me contacter. Et le deuxième, invite, un file transfert, c'est-à-dire sauf monsieur que j'invite. Et la troisième en bas, c'est ça la plus importante. Allô, une mektoub, allô contact from pas list only, seulement les contacts de ma liste. C'est sur celle-là que vous devez cocher, que vous devez mettre en vert, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, c'est pas terminé. Ensuite, bien sûr, vous allez mettre OK en bas. Si vous ne faites pas le OK, c'est-à-dire que vous n'avez rien fait. Vous allez en bas, vous cliquez sur OK. Ensuite, plus personne ne pourra vous déranger quand vous écoutez un cours. Non. Personne ne peut vous contacter, sauf s'il est sur votre liste. Inch'Allah Ta'ala, on passe aux questions. Que Allah Azzawajal nous aide, nous facilite et nous donne la sincérité. Je te demande, Muslim, de prendre le mic sur l'InSpeak. Sinon, j'oublie et je ne te le donne pas. Donc, sur l'InSpeak, c'est toi qui diffuses, Inch'Allah Ta'ala. Et moi, ici. Tfadhal. Nam, salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. La question de Ikhlas, Inch'Allah. Salam alaykoum, ya Cheikh. Nous connaissons le hadith qui dit que celui qui lit Sourate Al-Kahf chaque vendredi, il aura une lumière jusqu'au vendredi prochain. Pouvez-vous, Cheikh, nous expliquer ce que c'est que cette lumière? Barakallahu fikoum. Question de Salman 72. Salam alaykoum, Cheikh. Je demande à Allah qu'il vous bénisse, vous et votre famille. Amin. Certaines personnes pensent qu'au paradis, les gens auront les yeux pas comme sur terre, mais au-dessus de la tête, à regarder vers le haut. Comment répondre à ces gens et quelles preuves leur apporter, cher? Qu'Allah vous préserve de tout mal, cher. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question suivante. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une ambiguïté que les takfiris lancent à nos frères au sujet de cette parole. Selon Masruk, j'ai interrogé Ibn Mas'ud au sujet de la corruption dans le hukm. Ce dernier m'a répondu, c'est la mécréance, entre parenthèses, le kufr. Puis il récita, ceux qui n'appliquent pas les lois d'Allah sont eux les mécréants. Ils prétendent que ici Ibn Mas'ud parle du kufr akbar et prétendent que selon nous et notre aqida, Ibn Mas'ud anhu, serait un takfiri. J'ai essayé de trouver la parole en arabe, je ne l'ai pas trouvée, désolé. Barakallahu fik, cher, de nous éclairer. Donc je passe sur le InSpeak. Question de Zeynep 43. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Si je change d'intention dans ma salat, est-ce que cela annule la prière? Par exemple, mon intention au départ était de prier Dhuhr. Puis dans ma prière, j'ai changé d'intention en voulant prier deux rak'as surérogatoires. Est-ce que ma salat est valide ou pas? Cher, est-ce que vous pourriez nous expliquer les différentes intentions dans la salat? Barakallahu fikoum, cher. Qu'Allah vous récompense pour tout le temps que vous nous consacrez ainsi qu'aux admins. Amin. Question de SLFIA 9. Salam alaikum, cher. Hafizakum Allah ta'ala. Beaucoup de gens n'ont rien avec la salafia. Beaucoup de gens n'ont rien avec la salafia et se prétendent de ce minhaj. Ce sont des gens qui ne font rien, qui ne connaissent pas bien leur aqidah et qui ne se soucient pas d'apprendre. Comment les considérer? Tfadal cher, et n'oubliez pas, Inch'Allah, de permuter le micro. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez dans les deux salons? Naam. Alhamdulillah. Je commence, Inch'Allah ta'ala, par répondre à la première question. Je dis, en ce qui concerne la lumière que Allah ta'ala met pour la personne qui lit chaque vendredi Sourate al-Kahf. En fait, je n'ai jamais lu c'est quoi cette lumière. C'est pour ça que je dis à cette personne, ou bien qu'elle a le droit de reposer une autre question, ou bien qu'elle attend, Inch'Allah Ta'ala, que je lui envoie la réponse, même si c'est par mail, Inch'Allah Ta'ala, quand je lirai, il y a là la traduction, l'explication de ce hadith, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Même si, apparemment, puisqu'il a dit une lumière du vendredi à l'autre. Apparemment, c'est une lumière qui sera mise dans le cœur de la personne jusqu'à l'autre vendredi. Mais Inch'Allah Ta'ala, on voudrait vérifier l'explication du hadith, Inch'Allah Ta'ala. Pour la deuxième personne qui a dit que il y a des gens qui disent au paradis qu'on aura les yeux au-dessus de nos têtes et qu'ils ne seront pas à leur emplacement, où ils sont maintenant, et quelle preuve doit-on leur donner que cette chose, par exemple, est fausse? Réponse, Inch'Allah Ta'ala, je dis à cette personne, ce n'est pas à toi de leur donner des preuves que Yawm al-Qiyamah, on aura des yeux à l'emplacement normal. Mais ce sont eux qui ont dit quelque chose, qui ont avancé quelque chose, donc c'est à eux de prouver. C'est à eux de prouver que les yeux ne seront pas à leur emplacement naturel et qu'ils seront au-dessus de la tête. Donne-moi une preuve, tu lui dis, mon frère, que les yeux seront au-dessus de la tête. Est-ce que tu as rêvé cela? Ou bien c'est ton grand-père qui l'a dit, ou sa grand-mère, la Yerhama, ou là c'est le menuisier ou le ferronnier du coin. Si ce ne sont pas eux, et c'est Allah Ta'ala qui a dit ça ou son prophète, alors donne-moi le délit. Voilà ce que tu leur dis, Inch'Allah Ta'ala. Quant à la troisième personne, non, mais la troisième question, qui parle de Abdullah ibn Mas'ud, qui a dit la mécréance, etc. Non. Je ne suis pas très sûr si ce hadith est vrai, ce hadith est vrai ou pas. Supposons qu'il soit vrai. À supposer qu'il soit vrai. Je leur ai dit, ou je vais leur dire, toi, le takfiri, qui t'a poussé à prendre de ce hadith de Abdullah ibn Mas'ud et de refouler le hadith de Abdullah ibn Abbas, le cousin du messager d'Allah, auquel il a fait la doua spéciale pour qu'il apprenne et connaisse l'exégète du Coran. Pourquoi tu laisses celui-là et tu vas vers l'autre, si tu étais sincère? Si tu étais sincère, tu aurais dit, celui-là il a dit la mécréance et l'autre il a dit, ce n'est pas la mécréance. Donc au moins, je ne prends pas des deux. Pour être sincère, je vais être neutre. Je ne prends ni celui-là ni l'autre. Alors que normalement, s'ils se contredisent, on doit prendre l'autre. Pourquoi? Car le message-là lui a fait cette faveur de lui faire la doua pour que, lorsqu'il parle dans le tafsir, il est imbattable. Et attention, attention, attention. Yani, je vous mets en garde. Je vous mets en garde, bien en garde. Contre les takfiri qui disent quoi? Qui disent que le hadith ou Abdullah ibn Abbas a dit que ce n'est pas. Et c'est kufr, dona kufr. Attention, ils vont vous dire que ça c'est vaif. C'est faible. Ce n'est pas faible. Je jure par Allah que ce n'est pas faible. Je jure par Allah que ce n'est pas faible. Je jure par Allah que ce n'est pas faible. Pourquoi? Lisez, si vous voulez, un livre spécialement écrit contre le takfir qui s'appelle Fitna tout takfir, la fitna du takfir. De qui? De Sheikh Al-Albani, rahimahullah. Allahu Akbar. La montagne de science, Sheikh Al-Albani qui a écrit la fitna de takfir. Et dans ce livre, il a cité par plusieurs versions que ce hadith d'Abdullah ibn Abbas était authentique. Authentique, authentique. Il se trouve dans Ibn Kathir, dans Qurtubi, dans Tabari. Authentique. Naam. Et ensuite, s'il était daïf, pourquoi vous les takfirez? Pourquoi vous avez laissé que l'Albani meure pour dire aujourd'hui qu'il est daïf? Pourquoi, quand il était vivant, vous lui avez pas envoyé une lettre pour lui dire, Cheikh l'Albani, le hadith est daïf? Pourquoi? Naam. Ensuite, supposons que ce hadith soit daïf. Supposons. Kof dona kof, Abdullah ibn Abbas l'a dit, il est faible. Que faites-vous du deuxième hadith de Abdullah ibn Abbas? Où il dit quoi? Où il dit, parce que eux, les takfirés, même après, quand ils ont reconnu qu'il n'était pas faible, non, mais ils ont reconnu qu'il n'était pas faible, ce hadith de Abdullah ibn Abbas, ils ont dit, mais ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Kof dona kof, ce n'est pas ça. C'est autre chose. C'est autre chose. Que vas-tu faire de la deuxième version de Abdullah ibn Abbas, toujours? Où il a dit, ce n'est pas la mécréance que vous croyez. Ce n'est pas, il a dit, c'est la mécréance qui ne fait pas sortir de l'islam, comme ça. Laysa al-kufr alladhi yanqulu 'an al-millah. Hadith mawquf sahih. Sahih. Vous le trouverez dans les livres de tafsir les plus connus. Cheikh Al-Albani a dit sahih. Laysa bil-kufr alladhi tadhhabuna ilayh. Laysa bil-kufr. المخرج عن الملة الله أكبر الله أكبر كهوميلي أفيلي سوالي التكفيري نعم دونك سا سي لا ريبونس إن شاء الله تعالى دو سكادي عبد الله بن مسعود كونتا كونت اون اي دون لا صالات اي كون فو شانجي لانتونسيون كونت اون اي دون لا صالات اون فو شانجي لانتونسيون نعم دي فوا سي بوسيبل دي فوا سو ني با بوسيبل كالي لا ريغل Apprenez la règle, vous aurez, inshallah, ta'ala, bien compris la chose. Car c'est très important. Apprenez la règle, c'est quoi? Si c'est une salate désignée. Je dis par exemple dans ma tête, c'est salat al-dhahr, ou là dans mon cœur. Et je dis Allahu Akbar, je ne peux plus la changer et aller vers une autre salate. Pourquoi? J'ai désigné dans mon cœur la salate. J'ai dit que c'était dhahr. J'ai dit que c'était Asr, j'ai dit Maghrib, j'ai dit Isha, j'ai dit Doha, j'ai dit Fajr, j'ai dit Shafh. Je ne peux plus changer. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà désigné. Je ne peux pas changer en allant vers une autre salat qui est de son même niveau ou qui est plus élevée qu'elle. Je ne peux pas aller du Dhor au Asr, c'est le même niveau. Du Dhor au Isha, c'est le même niveau. Pourquoi? Les deux sont obligatoires. Et encore moins, je ne peux pas aller du surrogatoire à l'obligatoire. Je ne peux pas dire dans ma tête, c'est dans mon cœur, c'est Salat al-Fajr. Ensuite, en plein Salat al-Fajr, je dis non, je passe au Sobh ou là au Dhar. Ce n'est pas possible. Mais, je peux passer et changer de l'intention si je passe de quoi? D'une Salat désignée à une Salat non désignée. Naam, si je suis dans Salat al-Dhar, ensuite je me dis, oh, j'ai fait salat al-dhahr. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc, cette salat, je vais la compter comme surérogatoire. Je peux. Pourquoi? J'avais désigné salat al-dhahr et maintenant je vais changer vers une salat qui n'a pas été désignée, surérogatoire. Dans ce cas, je peux. Donc, la règle pour changer d'intention dans la salat, je peux passer d'une salat désignée à une salat qui n'est pas désignée, surérogatoire. Mais je ne peux jamais passer d'une salat surérogatoire vers salat obligatoire ou bien sunna mu'akkada. Je dois yani, quitter ma salat et faire une autre niya, une autre intention, inshallah ta'ala. Enfin, la dernière question, pour ceux qui ont dit, ou là, la personne qui a dit, il y a des personnes qui se prétendent la salafia, alors qu'ils sont vraiment loin, yani, par le fait qu'ils n'apprennent rien, ni ne sont soucieux d'apprendre. Je dis, être salafi, c'est quoi? C'est être salafi dans la aqida. Reconnaître que Allah Ta'ala a des sangs, que Allah Ta'ala a des mains, deux yeux, et comme ça. Dans les noms, les attributs. Reconnaître, avoir aussi la aqida dans le minhaj. Être dans le minhaj des sahabas, des grands savants, pas le minhaj des takfir, des chiites, des tablir, des moyens. Avoir aussi la salafia dans le comportement. Avoir la salafia dans le fait de s'habiller. Deux, el moyen. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Je dis à cette personne, en fait, celui qui ne demande pas la science, ça ne veut pas dire à 100% qu'il n'est pas salafi. Mais ça veut dire que c'est un salafi faible, à condition bien sûr que sa aqida et son minhaj soient dans le salaf. Car tu trouves des gens de la masse, quelqu'un de 70 ans qui a une bonne aqida, l'aqida des salaf, le minhaj des salaf, mais ce n'est pas quelqu'un qui demande la science. C'est un commerçant, c'est rare qu'il vienne au Doro, etc. Il est toujours salafi celui-là. Il a le vrai minhaj, il a une bonne aqida, mais il est faible. Il n'a pas avec la chaleur avec dans le cœur de demander de la science. C'est pour ça que le salafi, bien sûr, qui demande la science, est beaucoup mieux que celui qui ne la demande pas. Et celui qui la demande beaucoup est mieux que celui qui la demande moins. Et comme ça. Tout ça à condition, comme j'ai dit, qu'il a au moins la salafia dans la aqida et dans la minhaj et dans le minhaj. Ensuite, reste la science, cela dépend des gens. Cela dépend des gens. Il y en a qui sont à 100% aiment la science, d'autres 90, 80, jusqu'à ce qu'il y ait les gens de la masse qui ne la demandent que rarement. Et malgré cela, Inch'Allah Ta'ala, s'ils ont la aqida et le minhaj salim, ils sont salafia. Mais comme vous savez, de nos jours, c'est un peu difficile que quelqu'un soit salafi vraiment, alors que yani, il ne demande vraiment pas la science. Car c'est lorsque tu apprends que tu commences à te corriger et à quoi? Et à savoir que tu étais dans le faux. Quand tu disais que Allah Ta'ala yani, ne descendait pas. Ce n'est pas lui qui descend, c'est un ange qui descend, comme disent les Habèches. Ou bien c'est son ordre qui descend, comme disent les Ash'arites. Ou bien qu'il n'a pas de main. La main, c'est le symbole de la puissance, et comme ça. C'est en apprenant que tu commences à quoi? À comprendre, à te corriger et à yani, t'éloigner du faux pour, Inch'Allah Ta'ala, appliquer le bien. C'est pour ça que de nos jours, c'est yani, vraiment difficile que quelqu'un soit salafi alors que quoi? Alors qu'il n'a jamais demandé de la science. Non, mais il est possible qu'il demande de la science et il devienne, Mashallah, ensuite il faiblit. Il faiblit et il va vers le commerce, vers l'argent, vers Kaza. Mais il n'est pas, Inch'Allah Ta'ala, sorti de Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Naam, Wallahu Ta'ala A'lam. Tfadla, Inch'Allah Ta'ala, les prochaines questions. Tfadla. Naam, cher, n'oubliez pas, Inch'Allah, de permuter sur le InSpeak. Barakallahu fikoum. Donc, Inch'Allah, sur le InSpeak, vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc, je lis les questions suivantes. Donc, Maïssa 223. Salam alaikum, cher. Une personne demande. Salam alaikum, Cheikh Anna. Est-ce obligatoire de se désavouer des mécréants en leur disant à tout va? Et sommes-nous dans l'obligation de le faire? Sinon, prendrions-nous des péchés dans le cas contraire si on ne le faisait pas? Donc, BBA34, vous êtes en donut disturb et j'ai toujours pas eu la question. Donc, on va passer aux questions suivantes, Inch'Allah. Question de Amina Sarah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakum Allah. Voilà la question d'une sœur. Je voudrais savoir si on doit réparer les salats surérogatoires en cas d'oubli ou d'ajout. En ce qui concerne les 12 rawatib, je n'arrive pas à faire les 4 rak'at avant le dhuhr. Je fais donc 4 après salat al-dhuhr et 4 après salat al-maghrib ou l'Aïcha, par exemple, au lieu de 2. Est-ce que j'ai les mêmes récompenses ou dois-je suivre obligatoirement l'ordre annoncé dans le hadith? Question suivante de Mustapha 2009. Salam alaykoum, cher. Que doit connaître au minimum tout musulman dans le tawhid Asma wa Sifat? Doit-il connaître tous les noms d'Allah Azzawajal connus, les comprendre, les appliquer? Est-ce une obligation ou est-ce mustahab? Jazakumullah khayran, cher. Et cette personne demande, Inch'Allah, est-ce que vous pourriez faire des cours sur les noms et attributs d'Allah? Et également, si vous serez joignable mardi prochain sur le portable pour les questions-réponses. Donc, je passe sur le InSpeak. Donc, question de Saliha. Salam alaikum. Si une personne se trompe dans la récitation de la Fatiha ou la prononciation et la recommence, doit-elle faire les soujouds d'Essao? Si oui, avant ou après le salut final, Barakallahu fikoum. Question de Abu Weiss. Salam alaikum, cher. Hayakumullah. Quand on est en voyage dans un pays musulman, quand j'entends le adhan, est-ce qu'il m'est obligatoire de faire la prière à la mosquée ou d'avoir le choix de rassembler les prières à la maison? Jazakumullah khairan. Tfadal cher, et n'oubliez pas de permuter le micro, Inch'Allah. En fait, je permute pas le micro. Là, le micro, je l'ai toujours sur l'InSpeak. C'est au contraire ce que je fais, c'est que je dois mettre le micro, je dois l'enlever de moi, l'éloigner de ma bouche et le mettre devant les baffles pour qu'ils puissent t'entendre quand tu parles dans l'autre salon. Donc, Inch'Allah, je te demande de répéter la première et la dernière question. La première, qu'est-ce que tu as dit à propos des mécréants? Tu as dit à tout va. Qu'est-ce que ça veut dire à tout va? Et la deuxième, la dernière, le Eden. Qu'est-ce que tu as dit à propos du Eden pour le voyage? Naam, cher, donc je répète, Inch'Allah. Donc c'était la question de. Je revérifie, Inch'Allah. Naam, donc elle a dit, est-ce obligatoire de se désavouer des mécréants en leur disant à tout va? À mon avis, elle veut dire. Donc Maïssa 223, je vous ai enlevé le raid. Mais à mon avis, elle veut dire leur dire clairement, oui, tu es mécréant, je dois pas rester avec toi, ou là, moi je suis mieux, ou là moi je suis musulman, je dois pas rester avec vous. Moi je le comprends dans ce sens-là. Wallahu alam. Et donc et la seconde question sur le InSpeak. Quand on est en voyage dans un pays musulman, quand j'entends le adhan, est-ce qu'il m'est obligatoire de faire la prière à la mosquée? Ou d'avoir le choix de rassembler les prières à la maison. Tfadachir. D'accord, Barakallah, je demande juste qu'on me confirme que vous êtes en train de m'entendre dans les deux salles. Alhamdoulilah. Et sur l'inspect, j'attends. Non. Muslim fait saut. Taïb, Muslim, je n'ai pas encore vu si tu as écrit un. Alhamdoulilah. Donc, je commence Allah Ta'ala par la première question. Non, par la première question qui est importante. Non. Ensuite, avant de passer à la première question, ce qui m'étonne un peu, c'est que je vois affiché sur les nombres des personnes qui sont dans le salon, je vois 253. Alors que d'habitude, Yanni, je croyais que le maximum c'était 250. Je ne sais pas donc qu'est-ce qui s'est passé maintenant. On peut accéder plus de 250. Allah, peut-être parce que j'ai le pseudo en vert. Allah, si c'est comme ça, Yanni, c'est vraiment Yanni, quelque chose de bien. Non. Je crois que c'est le pseudo qui donne accès à ça. Allah, Al-Muhim. Pour les mécréants, non, se désavouer d'eux est une chose obligatoire. Moi, je vois 253. Maintenant, je vois 252. Toi, tu vois 248. Non. Moi, chez moi, je vois 252. 253 maintenant. Non. Donc, comment ça c'est venu comme ça? Donc, chacun a un nombre particulier. Non. Attendez une seconde. Attendez une seconde. Je vois du dehors. Une seconde, je vois, Inch'Allah Ta'ala, du dehors. Dans la liste du dehors. C'est très rare. Non, dehors, je vois 250. Voyez, dehors, je vois 250 parce que maintenant, je vois 250 dans le salon. C'est pour ça que j'ai vu la même chose. Le moins. Inch'Allah Ta'ala, on vérifiera après. Je dis, en ce qui concerne les mécréants, c'est obligé de se désavouer d'eux, Inch'Allah Ta'ala. Mais, ce n'est pas comme a cru la personne que, yani, je dois aller vers eux et leur dire, je me désavoue de vous, etc. Parce que il ne faut pas oublier que l'islam fait la différence entre le musulman quand il est fort et le musulman quand il est faible. Est-ce que le messager d'Allah, quand il était à la Mecque, est-ce qu'il était fort ou il était faible? Il était faible, lui et les compagnons. Qu'est-ce qu'il faisait? Il tournait autour de la Kaaba, alors qu'autour de la Kaaba, il y avait des idoles et des statues. Il les a jamais cassés. Et les kofars disaient ce qu'il disait. Lui, il essayait seulement de dire qu'il était un messager, etc. C'est tout. Non. La chose qu'il ne peut pas faire, il ne la faisait pas. Mais après la libération de la Mecque, il est rentré, il a cassé des idoles, il a un moyen. Je dis aux personnes qui sont en France, ce n'est pas facile, ou là en Europe, tu es chez lui, chez le kafir, dans son pays, dans son état. Et tu lui dis, je me désavoue de toi. Si tu peux le faire, et tu n'as pas peur de lui, ni de la prison, ni de mourir ou là, fais-le, si tu veux le faire. Mais l'islam ne t'oblige pas à le faire. Non, tu te désavoues d'abord de ton cœur, avec ton cœur. Et combien de gens se désavouent des kofars avec leur langue, non, alors qu'avec les cœurs, leur cœur, ils les aiment. Et combien de gens, non. Ils les détestent avec leur cœur, se désavouent d'eux, même s'ils n'ont pas la possibilité de le leur dire. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, que vous avez compris. C'est pour ça que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans son livre, Majmou' Fatawa, il a dit que le musulman, quand il est chez eux, chez le kuffar, et qu'il se sent faible, il a dit qu'il avait le droit de cacher sa sunna. Comme ça, il a dit. Sa sunna. C'est-à-dire, si j'ai peur des kofars, etc., j'ai le droit de cacher les choses qui ne sont pas obligatoires, comme par exemple le qamis. Le qamis, il n'est pas obligatoire. Si j'ai peur maintenant qu'on me fasse des choses ou là, même je ne le mets pas, juste par peur. Mais je mets un pantalon qui sera au-dessus des chevilles. Et comme ça, pour les choses qui sont seulement sunnah. Comme ça a dit Cheikh l'Islam, rahmatullah. Quant à la deuxième question, corriger les nafilas, etc. Quand quelqu'un fait salat nafila et il se trompe, il la corrige exactement comme on corrige l'obligatoire. Le hadith est authentique, il a été cité par Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, que le messager d'Allah a dit, qu'il avait dit que chaque salat avait quoi? Avait des sujouds quand on se trompe, même si c'est une nafila. Cheikh Al-Albani l'a authentifié dans Sahih Al-Jama. Donc, même si vous vous trompez dans Salat al-Nafila, vous voyez, si vous avez ajouté des choses, vous allez faire des prosternations après le salut final. Si vous avez retranché des choses, vous allez faire des prosternations avant le salut final. Quant à faire la personne qui dit je ne peux pas prier quatre avant le Lord, donc elle fait quatre avec le Maghrib, etc. Je lui dis non. Pourquoi? Parce qu'on doit suivre l'ordre annoncé. On doit suivre l'ordre annoncé. Il y a quatre avant le dhohr ou bien deux. Et deux après le dhohr. Et deux après le maghrib. Et deux après la isha. Et deux avant salat al-subh. Si maintenant quelqu'un ne peut pas faire les quatre avant le dhohr, alors il est de la sunna qu'il les rattrape après le dhohr. Quelqu'un n'a pas fait les quatre avant le dhohr et il veut les rattraper. Qu'est-ce qu'il fait? Après salat al-dhohr, il commence par faire quatre. Quand il termine, il passe aux deux autres, les deux qu'il avait l'habitude de faire. Si quelqu'un n'a pas pu faire les deux après le dhuhr, il les fait après l'asr. Si quelqu'un n'a pas pu faire les deux après le maghrib, il les fait après l'isha. Et comme ça, chaque salat recommandée que j'ai pas pu faire avant la salat, je la fais après, inshallah ta'ala. Naam. Pour le tawhid. Naam. Il a dit connaître, etc. Naam. Pour le tawhid, sachez que plus on connaît les noms d'Allah Ta'ala, plus on connaît ses attributs, plus on aime Allah Subhanahu wa Azzawajal, et plus quoi? Et plus on va l'adorer encore plus. Naam. Et plus une personne est ignorante dans les noms et les attributs d'Allah, plus yani, elle va être loin d'Allah Subhanahu wa Azzawajal. Donc, Inch'Allah Ta'ala, je ne me suis pas en train de me tromper. Je vois maintenant sur la liste 254. Donc, c'est que ça marche, Inch'Allah Ta'ala. Je crois que c'est la faveur du pseudo vert. Wallahu alam. Mais on verra. Al-Muhim. Je disais, c'est pour ça que la personne qui a dit, est-ce qu'on ferait des noms, des doros sur les noms et les attributs? Inch'Allah Ta'ala, on va les faire. Inch'Allah Ta'ala. Vous savez qu'il reste seulement quelques doros et on va terminer l'aqida, l'wasitiya. Et on va passer, inshallah ta'ala, au nom et aux attributs d'Allah Azzawajal, si, inshallah ta'ala, yani, Allah Azzawajal nous aide. Naam. En ce qui concerne le mardi prochain, inshallah ta'ala, en ce qui concerne le mardi prochain, je ne serai pas contactable. Je ne serai pas contactable pour le téléphone le mardi prochain. Quand je le serai, vous le lirez sur le site, inshallah ta'ala. Et enfin, recommencer Fatiha pour le sujoud. Naam, si quelqu'un était en train de lire par exemple Fatiha, ensuite il s'est trompé, il a dit j'ai dit ça au lieu de ça, etc. Et il la recommence. Ce n'est pas la peine de faire sujoud, ni avant ni après. Naam, ce n'est pas la... Tu n'as rien ajouté. Tu as seulement recommencé. Naam, il n'y a pas quelque chose de nouveau que tu as ajouté. Tu as recommencé une chose dans laquelle tu t'es trompé, c'est tout. Il n'y a pas de soujoud, ni avant ni après. Et enfin, pour celui qui est voyageur, il dit, est-ce que c'est mieux si j'entends l'adhan d'aller à la mosquée ou bien de faire la prière à la maison? Là, j'ai une chose très importante à dire à ce sujet. C'est quoi cette chose très importante? C'est beaucoup, beaucoup de frères, parce que ça n'a pas rapport avec les sœurs, mais avec les frères. Beaucoup de frères croient que, le fait qu'ils soient voyageurs, ça annule pour eux le fait d'aller à la mosquée. Et là, ils se trompent. Car le messager d'Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quiconque entend le adhan, yani, doit y répondre. Il a dit, sauf celui qui a des excuses. Et il n'a pas dit, sauf le voyageur. C'est pour ça que tout voyageur qui, lorsqu'il est dans l'hôtel, ou bien chez sa famille ou là, et il entend l'adhan, je dis bien il entend. Non, car s'il ne l'entend pas, ça veut dire c'est très loin. Mais s'il entend l'adhan, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il lui est obligé d'aller à la mosquée. Surtout le vendredi. Certains croient aussi que je suis voyageur, donc je ne fais pas la prière du vendredi. Je fais dhuhr. Alors qu'il entend l'adhan. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit dans Fatawa al-Kubra, dans Majmou' al-Fatawa, il a dit, quiconque entend l'Aden le vendredi n'a jamais, jamais d'excuse pour ne pas y aller s'il est voyageur, sauf, il a dit, s'il est malade ou s'il a vraiment yani, d'autres excuses. Mais le voyage en lui-même n'est pas une excuse pour ne pas faire la salat à la mosquée. Sauf si quoi? Sauf si on n'entend pas l'Aden, il est loin, bien sûr, donc la mosquée est loin. Wallah Azza wa Jal a'lam. Muslim, avant de, inshallah ta'ala, d'aller aux autres questions, préparer, je vais leur demander là-bas de l'obouir pour boire un peu de thé. Hein. Donc prépare, inshallah, les questions, le temps que je vais à la cuisine et je reviens. Tfadhal. Salam alaykoum wa rahmatoullah. Fais saut. Naam. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdoulilah, cher, donc j'ai préparé les questions. Inch'Allah, je vous les lis. Donc, question de Amatul Haq. Salam alaikum, cher. Hayakum Allah. Pourriez-vous nous rappeler comment effectuer la prosternation de la distraction? Quand est-ce qu'il faut se prosterner avant et après le salam? Question de Madame 93. Je prie assise depuis des années à cause de mon poids et d'une maladie qui atteint mes articulations et mes muscles. Entre parenthèses, maladie immunitaire, très douloureuse. Ma prière est-elle valide, sachant qu'il est obligatoire de la faire debout? Question de Wana Asr. Salam alaikum wa rahmatullah, cher. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Et c'est vrai qu'au paradis, on aura toujours l'obligation de porter le voile et les hommes la barbe, etc. Barakallahu fikoum, cher. Qu'Allah vous récompense. Amin. Donc on passe sur le InSpeak. Question de Mohamed 222. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voulais seulement demander au cheikh s'il connaissait cheikh Mohamed Saïd Raslan, un Égyptien, et si s'il est conseillé d'écouter ses doros par Barakallahu fikoum. Question suivante. Question de Bint Abdullah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cheikh. Pouvez-vous m'expliquer comment fait-on pour rassembler les prières? Barakallahu fikoum. Parce que j'ai vu une explication qui disait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a rassemblé, c'est-à-dire il a laissé le temps d'une salat dans ses dernières minutes, avant sa sortie, et ensuite a accompli l'autre salat, à son début d'heure. Ce qui démontre qu'en fait, il aura prié à l'heure ses salats. Tfadashir. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيه صوت؟ طيب جاتون لا كونفيرماسيون الحمد لله. الحمد لله. دونك لا بروميير بيرسون دي سي كومون كون كومون ديراج qu'on répare la salate. Et comment qu'on fait pour la prosternation? Hein? Comment qu'on fait pour la prosternation de la distraction? Hein? Je dis à cette personne, hein? Comment réparer la salate? Vraiment, demande un cours. Hein? Demanderai au moins une heure pour expliquer comment on doit faire pour réparer la salate. Je l'ai fait avec vous plusieurs fois en allant très vite et en résumant. Mais, Annie, il est possible que vous ne compreniez pas bien et que vous tombiez dans l'erreur. Non. C'est pour ça que je ne sais pas maintenant si je dois le réexpliquer ou pas. Car ça demande vraiment tout un cours. Pourquoi? Parce que, Annie, quand on répare la salade, non. Des fois à cause du doute et des fois à cause de la distraction. Des fois on doute d'une chose et des fois non, on est distrait, on ne sait pas ce qui s'est passé. Non. Ensuite, quand on doute, ou bien on a 50% et moins, ou bien on a 50% et plus. Quant à la distraction ou bien elle est dans une chose qui est des piliers ou bien elle est dans une chose qui est des obligations. Et chaque chose a son jugement. C'est pour ça que je préfère Allah subhanahu wa ta'ala alam laisser ça à un cours spécialement pour répondre. C'est pour ça que je veux dire à la personne, si elle veut choisir une autre question, qu'elle la choisisse. Inch'Allah ta'ala. Ensuite, ou bien qu'elle voit yani l'un des cours passés où j'ai expliqué ça longuement. Naam. Pour la personne qui dit qu'elle faisait la prière assise. La musulmane, je te donne inshallah ta'ala le micro pour me dire où était sa question, pour me dire où était sa question. Tafadhal. Quelle question, cher Afwan? Quelle question vous n'avez pas compris? Tfadal, cheikh. La deuxième question. La personne qui a dit je, ça fait des années que je prie en position assise. Naam, cheikh, c'est une sœur qui est malade. Qu'Allah la guérisse. Et elle dit que depuis plusieurs années, elle fait la salade debout et elle demande si ces salades sont valides, car c'est une obligation de prier debout. Donc elle demande si c'est... Elle est là, sa question. Tfadal, cher. Naam, cher. Elle fait la salade assise et elle demande est-ce que la sienne est valable, étant donné que de faire la salade debout, c'est une obligation. Tfadal, cher. Rappelez-vous le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quand une personne est venue le voir et que cette personne avait les hémorroïdes. Quand on a les hémorroïdes, c'est pas facile de faire la salat debout. Alors cette personne a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que, yani, comment dois-je faire pour ma salat? Que lui a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fais la salat debout. Si tu ne peux pas, fais-la assis. Si tu ne peux pas, sur le flanc. Et aussi dans le hadith de la barque. Lorsque quelqu'un était sur la barque, le message d'Allah lui a dit, si vous êtes sur la barque, vous faites la salade debout. Sauf si vous avez peur de quoi? De se noyer. La règle générale dit que aucune personne n'a le droit de faire la salade assis si elle peut la faire debout. Sauf la salade surérogatoire, nafila. Un nafila, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné la grande, la pleine liberté. Que tu la fasses debout, que tu la fasses assis, comme tu veux. À condition que si tu fais la nafila assis, tu as seulement la moitié des récompenses. Mais la salat obligatoire, toute personne est obligée de la faire debout, sauf celui qui est malade. Donc je dis à cette femme qui a dit, ça fait des années que je fais la salat assise. Naam, si tu ne peux pas te lever, tu n'as que cette solution. Et ta salat est valide, inshallah ta'ala. Donc tu ne peux pas te lever. Et Allah ta'ala sait si tu peux te lever. Et tu fais exprès ou là tu ne peux pas. Je ne pense pas qu'il y ait une personne qui va faire exprès d'annuler sa salat. Je ne crois pas qu'il y ait une personne qui fasse comme ça. C'est comme une fois on a dit à une personne, on lui a dit, yani, guide-nous dans la salat et on te paye. Et c'était juste pour que yani, l'encourager à ce qu'il fasse la salat et il les guide. Ils l'ont payé une fois, deux fois, il les guidait dans la salade. Ensuite, ils l'ont plus payé. Il leur a dit, alors vous payez pas? Ils ont dit, ah, c'était juste pour t'encourager. Il a dit, mais je vous dis la vérité, oh là, j'ai jamais fait le wodo. Je vous guidais sans faire le wodo. Il a dit, c'est toi le perdant. Ici, c'est la même chose. La personne a dit, si elle fait la prière assise, en étant assise, parce qu'elle ne peut pas se lever, parce qu'elle a des maux, parce que, naam. C'est justement, elle a la permission de la faire assise. Mais je dis à cette personne, voilà une chose très importante, peut-être tu connais pas ma soeur. Quoi? Si tu peux faire le takbir debout, fais-le debout. Si tu peux faire le takbir avant de t'asseoir sur la chaise, si tu peux te lever et dire Allahu Akbar, et ensuite t'asseoir, c'est pas mieux, c'est obligatoire pour toi avant de t'asseoir, si tu peux. Je dirais encore plus, si tu peux dire Allahu Akbar debout, ensuite, lire un peu, lire. Tu dis Bismillahirrahmanirrahim dans ton cœur, yani avec tes lèvres. Ensuite, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Arrahman Rahim. Ensuite, tu peux plus. Tu t'assois. Naam, c'est comme ça, Inch'Allah Ta'ala, que tu dois faire la vraie salat. Mais si jamais, tu ne peux jamais te lever. Il faut du début que tu sois assise. Alors, ma soeur, assis-toi directement et dis Allahu Akbar. Mais je pense, Inch'Allah Ta'ala, Wallahu Alam, que pour le takbir, tu pourras rester quelques secondes, dire Allahu Akbar et tu t'assois. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour la deuxième question. Pour la personne qui a dit, dans le paradis, est-ce que la femme sera voilée? Est-ce que les hommes porteront la barbe, etc.? Je dis que je ne connais aucun hadith ni verset en ce sens. Et n'étant jamais allé au paradis, bien sûr, donc, Inch'Allah Ta'ala, je ne pourrai pas lui répondre. Mais je peux lui dire une chose, c'est que quoi? C'est que le paradis n'est pas l'endroit où il y a des choses ordonnées. Dans le paradis, on ne t'ordonne pas la salat, on ne t'ordonne pas la zakat, on ne t'ordonne pas, yani, une chose. Il n'y a pas une chose qui soit ordonnée Dans quoi? Dans le paradis, comme ici dans ce bas monde. Le paradis, c'est l'endroit de quoi? Des rétributions et des récompenses. Des rétributions et des récompenses. Mais je pense, wallahu alam, que une femme là-bas se cacherait des étrangers. Des étrangers. Parce que ici, dans cette vie, là, déjà, elle se cache. Et vous savez que le hadith dit qu'il n'y a pas plus jaloux qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous connaissez ce hadith? La shay'a aghyar min Allah. Hadith authentique. Et que Allah ta'ala, quand il a cité les femmes, il les a citées dans le paradis qu'elles étaient dans de grandes tentes. Quelqu'un va dire une tente, il va croire que c'est une tente qui fait 20 mètres carrés ou une tente avec le bâche. Une tente, yani, il y a des trous, la pluie va rentrer, etc. Bien sûr, ce n'est pas comme ça. Yani, quand je dis des tentes, nous seulement, moi j'ai été seulement au Koweït, des fois on m'invitait dans une fête, il y avait des tentes, déjà j'étais étonné. Une tente où, dans laquelle peut rentrer par exemple 1000 personnes. Déjà tu t'étonnes, yani, comment ils font cette tente, par l'Aladim, avec des colorés, etc. Elle dit la tente d'une personne, des gens qui l'ont tissée. Comme on parlait de la tente d'Allah Ta'ala, la tente d'Allah Ta'ala, où il est dit que elle fait combien? Yani des milliers de kilomètres de largeur et de longueur. El Mohim. Est-ce que exactement elle portera, les gens porteront la barbe, etc. Allahu Ta'ala alam. Je n'ai aucune science en cela. Naam. Pour le savant Raslan, qui est un Égyptien, est-ce qu'il faut prendre de lui ou pas? Je dis carrément que je ne connais pas très bien. Mais apparemment, je n'ai entendu jusqu'à présent de lui que du bien. Ce savant, ou là, ce nom, Raslan, je n'ai entendu de lui que du bien, quoique je ne le connaisse pas personnellement. Quant au fait de rassembler les prières, il y a deux avis. L'avis qui dit on laisse la prière jusqu'à la dernière minute et on commence à la faire pour qu'elle tombe avec la prochaine prière. Et ça, c'est l'avis le plus faible. Mais l'avis le plus juste des savants, c'est que regrouper les prières, pour ceux qui peuvent regrouper, c'est de laisser jusqu'à ce que yani, arrive l'autre salat. L'autre, c'est comme si quelqu'un va voyager et ce n'est pas encore salat al-dhuhr. Il est 11h. Et salat al-dhuhr, supposons que ce soit à 13h. Comment je vais faire pour salat al-dhuhr? Je voyage maintenant et quand j'arrive là-bas à 17h, 17h c'est déjà salat al-asr. Je fais dhuhr et je fais asr. Comme ça, je les groupe les deux à la fois. والله عز وجل أعلم. اتفضل إن شاء الله pour les prochaines questions. Non, donc la question de Sana. Salam alaikum, cher. Une sœur écoute et voudrait savoir si Al-Fajr, elle fait les ablutions et prie sans chaussettes. Ensuite, Salat al-Dhuhr, elle n'a plus les ablutions. Elle refait ses ablutions et prie. Sana, vous voulez dire plutôt et prie avec ses chaussettes? Cela, vous avez dit, et pris sans chaussettes. Non, et donc, et pris avec ses chaussettes. Ensuite, à Salat al-Dhuhr, elle a plus les ablutions, elle refait ses ablutions et fait le mash sur les chaussettes. Ne faut-il pas avoir prié avec les chaussettes pour faire le mash? Barakallahu fik cheikh. Ah, bah, elle est pas très claire, la question. Donc, je répète, Inch'Allah, cher. Donc la sœur fait Salat al-Fajr avec les ablutions et elle prie sans chaussettes. Ensuite, pour Salat al-Dhuhr, elle n'a plus les ablutions, elle refait ses ablutions et fait le mash sur les chaussettes. Ne faut-il pas avoir prié avec les chaussettes pour faire le mash? Barakallahu fik cher. Question suivante, Inch'Allah. Abu Daoud wa Elias. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Qu'Allah vous accorde, à vous et votre famille, le Firdaous. Amin. Lors de la salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur rang pour les hommes est le premier et le meilleur rang pour les femmes est le dernier. Qu'en est-il s'il y a une séparation par un rideau ou un mur, ou si les femmes sont par exemple à l'étage, est-ce que le meilleur rang pour la femme est le dernier, ou alors il devient le premier? Et est-il permis de mettre un enfant, entre parenthèses, moins de 7 ans, à la mosquée qui n'a pas les ablutions dans un rang pour faire la salate? Que faire dans ce cas-là si le petit montre son amour pour la salate et la mosquée. Barakallahu fikoum, cher. Question suivante, Inch'Allah, de Abu Sulayman 13. Salam alaikum, cher. Qu'Allah vous accorde le Firdaous et qu'il vous ressuscite parmi les prophètes, les véridiques et les martyrs. Allahumma amin. Je souhaiterais une explication du hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit que les femmes ont un manque de religion. Qu'est-ce que cela signifie? Barakallahu fikoum. On passe sur le InSpeak. La question de Talab al-Ilm. Salamu alaykum, Cheikh. Cheikh Abdel Wahab, rahimahullah, a cité 10 facteurs enfreignant l'islam comme étant les plus répandus et les plus graves. Ma question, en fait, est au-delà de ces 10. Quels sont les autres facteurs qui enfreignent l'islam? Jazakumullah khairan, Cheikh. Question suivante de Abu Hasna 56. Donc je n'ai pas reçu la question. On passe au suivant, Inch'Allah. Saifuddin. Afwan, mais je ne pourrais pas passer la partie d'une question. Assalamu alaikum, Cheikh Hana. Quel est le jugement d'une personne qui, quand on lui demande si elle a fait ses salats, il nous répond, j'ai dû en rater une ou deux et ne s'en soucie pas. Par exemple, sur les cinq, il n'a pas fait deux salats dans les salats obligatoires et il ne se soucie pas de les avoir ratés. Tfadashir. Cher. طيب عليكم السلام ورحمة الله. فيه صوت. rappelle-moi مسلم. نعم. مسلم ولا أبو زك. rappelle-moi le hadith. Le hadith qui dit que la femme a un manque de religion. Ensuite, il a dit عقل. Et manque de عقل. Comment il a été traduit le mot عقل en français ici? Hein? Le hadith qui dit qu'elle manquait de religion et d'autres choses. En arabe, il a dit ناقصته عقل ودين. Aql, c'est quoi ici en français? Le temps que je réponde, Inch'Allah, aux questions. C'est le moyen. Pour les questions de chaussettes et de prières, une personne, se lève par exemple à Salat al-Fajr. Raison, barakallahu fik, raison, raison. Une personne se lève par exemple à Salat al-Fajr. Elle s'est levée à Salat al-Fajr. Maintenant, elle va laver ses pieds quand elle va faire les ablutions. Elle va laver ses pieds. Et ensuite, après avoir lavé les pieds, disons qu'elle mette les chaussettes. Mette les chaussettes. Ensuite, yani, elle n'a pas encore essuyé sur ses chaussettes. Elle va faire salat al-subh. Maintenant, c'est salat al-dhuhr. Elle a perdu les ablutions. Elle va quoi? Elle va faire les ablutions, mais cette fois, elle ne va pas laver ses pieds. Elle va quoi? Elle va seulement essuyer sur les chaussettes. Les chaussettes qu'elle a mises en ayant le wudu. Vous avez remarqué, le matin, quand elle a fait les ablutions, elle a terminé de laver ses pieds, elle a rentré ses chaussettes. Elle a mis ses chaussettes. On ne peut pas mettre les chaussettes si on n'a pas lavé les pieds. Maintenant, après avoir mis les chaussettes, quand elle a perdu les ablutions pour Salat al-Dhuhr et qu'elle est allée faire les ablutions, ce n'est pas la peine qu'elle lave ses pieds. Elle essuie seulement sur ses chaussettes. Donc, ce n'est pas une obligation que pour essuyer sur les chaussettes, elle doit avoir fait une salat avec. Non, ce n'est pas une obligation. L'obligation, c'est quoi? C'est que je les mette. Je les mette après avoir lavé mes pieds, c'est tout. Yani, pour les mettre, je dois avoir les ablutions. Maintenant que j'ai les ablutions complètes, j'ai mis les chaussettes, classe. Maintenant, après la prochaine salat, ou là, quand je perds les ablutions, j'essuie et je fais la nouvelle salat, Inch'Allah Ta'ala, avec essuivement. Si ce n'est pas compris, vous me reposez, Inch'Allah Ta'ala, la question. Pour la deuxième, le hadith qui dit que le meilleur rang pour les hommes, c'est celui le plus près de l'imam. Et que le meilleur rang pour les femmes, c'est celui qui est le plus loin, yani des hommes. Et maintenant, il y a des séparations. Il y a des séparations dans les mosquées entre les femmes et les hommes. Est-ce que ça a toujours le même statut ou là maintenant ça a changé? Certains savants disent que ça a toujours le même statut. Le meilleur rang pour la femme, c'est toujours d'être yani, dans les derniers rangs, loin des hommes. Mais d'autres savants, comme Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, a dit que maintenant ça a changé. Il a dit maintenant, puisqu'il y a la séparation et qu'il n'y a plus de fitna entre les hommes et les femmes. Donc, il a dit, il n'y a plus le statut à la femme de s'éloigner vers les derniers rangs. Il a dit, mais elle peut être dans le premier rang des femmes, vu qu'il y a une séparation entre les deux, inshallah ta'ala. C'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah. Et pour l'enfant, quand on emmène un enfant à la mosquée, quand on emmène un enfant à la mosquée, s'il a déjà par exemple 7 ans et qu'il commence à comprendre les choses, etc., on commence à lui apprendre à faire le wudu. Pour qu'il commence à s'habituer à faire la salat avec le wudu. Maintenant, si c'est un gamin qui a juste 3 ans, là, 4 ans, là, qui joue, etc., là, ce n'est pas la peine qu'il fasse le wudu. Et quand on fait la prière, on ne laisse pas jouer derrière et crier et yani, gêner les gens. Mais on le laisse coller devant nous. Coller devant nous pour qu'il ne fasse pas de problème. Ou bien, si c'est le genre gentil, on le laisse dans un coin. Dans un coin parce qu'il est trop jeune pour faire la salat. On laisse dans un coin, on lui dit reste ici et tais-toi. Tant qu'on fasse la salat. Sinon, comme j'ai dit, s'il comprend, etc., on le met avec nous. On le met avec nous dans le rang et on lui apprend à nous imiter, à nous imiter. Et le hadith, il est dans le Bukhari, où il est dit qu'au temps du messager d'Allah, les femmes emmenaient leurs enfants à la prière, à la mosquée, et tellement, et les entraînaient à jeûner, et tellement ça, ils avaient faim, ça leur faisait mal, qu'elles leur donnaient des ballons en laine, des ballons qu'elles tricotaient avec la laine, et ils leur donnent des ballons, ils jouent. Ils jouent dans la mosquée pour oublier, pour ne pas pleurer jusqu'à ce que yani, le soleil se couche. Naam. Ce n'est pas comme chez nous, yani, si la mère entend son enfant pleurer, classe, elle lui dit, classe mon fils, classe, attends, je vais t'acheter un croissant, attends, tu vas manger ton yaourt, attends, tu vas manger ton je sais pas quoi, et classe, il n'y a plus de Ramadan. Naam. Les salafs, non. Il pleure, mais je lui donne un ballon pour oublier. Al-Muhim. Pour enfin le hadith qui dit que la femme manque de religion et de raison. C'est un hadith authentique, mais il faudrait bien l'expliquer et ne pas lui donner le sens qu'il n'a pas. Pourquoi? Parce que ça serait déformer l'islam. Surtout que ce hadith, beaucoup d'ennemis de l'islam, se base sur ce hadith pour combattre l'islam. Je dis, voilà, la femme chez vous, elle n'est pas égale à l'homme. Le hadith a dit qu'elle manquait de religion et qu'elle manquait de raison. Donc, chez vous, la femme n'a pas d'importance. Nous, on leur dit, attention, n'expliquez pas les textes de vos têtes. Expliquez les textes comme les expliquent les savants. Expliquer les textes dans leur contexte. Pourquoi le messager d'Allah dit cette phrase? Pourquoi? Il a dit qu'elle manquait de religion parce qu'elle restait une semaine chaque mois sans faire la prière et sans jeûner si c'est le Ramadan. Donc, comparé à celui qui, chaque jour, fait la prière, elle est manquante. Naam. Si on va compter chaque jour, il y a des menstrues, 5 jours par mois, ou les 6 ou les 7, ensuite on va compter tous les mois combien ça va donner en une année, et on va comparer à celui qui fait la prière tout le temps, tout le temps, tout le temps, donc elle est manquante. Ça, il lui manque de quoi? De prière. Il lui manque des adorations. Donc, dans ce sens, elle est manquante. Mais ça ne veut pas dire que devant Allah subhanahu wa ta'ala, elle est quoi? Elle a des châtiments. Au contraire, avec ce hadith, on peut montrer la beauté de l'islam. La perfection de l'islam. Comment la femme ne fait pas une semaine de prière, et Allah Ta'ala la met au même niveau, Yom Al-Qiyamah. Il ne lui dira pas, toi, il te manque des salats. Regardez la perfection de l'islam, sa beauté. Chaque semaine, chaque mois, elle prie pas une semaine. Et malgré cela, Allah Ta'ala ne va pas lui dire, Yom Qiyamah, pourquoi il te manquait des salats? C'est une permission de lui. C'est une permission d'Allah Azzawajal propre aux femmes. Naam. Parce qu'il leur veut cette quoi? Il leur veut ce repos. Naam. Pour la grande sagesse que vous connaissez. Ensuite, et aussi pour la raison. Naam. La raison, ici, ça veut dire seulement que la femme, naam, est tellement occupée par ses sentiments, par ses enfants, par les règles, par les louchis, par les maux, par les vomissements, par l'accouchement, par la grossesse, par ceci, que yani, elle l'oublie. Elle oublie beaucoup de choses. C'est pour ça que Allah Ta'ala a dit dans le Coran, Antabdilla ihdahuma, fatudhakira ihdahuma l'ukhra. Allah Ta'ala a dit, si jamais pour que l'une d'elles, pourquoi il faut deux témoins les femmes? Il a dit, pour que si l'une d'elles oublie, l'autre la fasse quoi? La fasse souvenir. C'est pour ça qu'on dit que la mère de l'imam Shafi'i, le grand savant, rahimahullah, une fois, on l'a appelée à témoigner. On a appelé sa mère, la mère de Shafi'i, à témoigner. Elle et une autre femme, à témoigner sur quelque chose qu'elles ont vu ou qu'elles ont su. Alors le juge a voulu les séparer pour qu'elles ne disent pas la même chose. Toujours, vous savez, les témoins, quoi? On les sépare pour que, yani, ils ne se mettent pas d'accord pour dire la même chose. Un Naam. Il a dit à la mère de Shafi'i, toi tu vas dans cette chambre et toi dans l'autre. Que lui a dit la mère de Shafi'i au juge? Elle lui a dit, non, monsieur le juge, non, monsieur le juge. Allah Ta'ala a dit, si l'une de vous oublie, alors pour que l'autre la lui rappelle. Et maintenant, si vous allez nous mettre dans une chambre séparée, donc on va être à l'encontre du verset. Le verset dit que si l'une oublie, l'autre elle lui rappelle. Donc on doit être ensemble. Et Naam, le juge, Naam, il n'a pas su répondre, subhanallah. Regardez la mère du Shafi'i, à quel point elle avait de la science. El Mouhim, c'est ça, le manque de raison, Naam, que n'a pas la femme. Sinon, pourquoi alors Aïcha radiallahu ta'ala était un savant? Pourquoi même les hommes, les compagnons, allaient lui demander des conseils, allaient lui demander des hadiths, allaient lui demander des versets. Hein, si la femme, yani, ça veut dire que dans son esprit, elle est moindre là. Donc pourquoi on va demander à une femme qu'elle nous apprenne la religion? Beaucoup de savants, déjà l'imam Ibn Hazm, rahimahullah, qui lui a appris le dîn, ce grand savant? C'est une femme qui lui a appris le dîn. Non, subhanallah. Donc c'est ça, inshallah ta'ala, l'explication du hadith. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste? Ensuite, les facteurs qui enfreignent l'islam, les facteurs que les choses que si on les fait, on a enfreint à l'islam. Ces choses qu'on m'a dit, le frère, il a dit certains, ils ont cité qu'ils étaient 7, d'autres ont cité qu'ils étaient 10, d'autres ont cité qu'ils étaient 20. Et le Mouhim, tout ce qui a été cité par Allah Azzawajal, ou son messager d'Allah, que ça a annulé l'islam, ça l'annule. L'islam, la foi, c'est un peu comme les ablutions. Tu as les ablutions. Si tu vas aux toilettes, tu as perdu les ablutions. Maintenant, tu as attesté. Ensuite, il y a des choses qui, si tu les fais, tu as quoi? Tu as annulé ton islam. Comme celui qui insulte Allah, celui qui jette le Coran, celui qui piétine le Coran, celui qui dit que le devin, le voyant qu'on est l'avenir, et comme ça, des choses qui annulent quoi? L'islam, sauf bien sûr, les savants disent, sauf si la personne ne le fait pas exprès, ou le fait par grande colère, ou l'a fait par grande ignorance. Et comme ça, pas comme les takfiris qui disent que, même dans la colère, même dans la grande colère, ils disent tu n'es pas excusé. Alors que le Coran est clair que notre prophète Moussa, alayhi salam, quand il s'est mis en colère et on lui a dit que les gens, après toi, on t'a adoré le veau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté la Torah. C'est cité dans le Coran. La Torah, c'est quoi? C'est comme le Coran. C'est comme la même chose, la parole d'Allah. Mais c'était dans la grande, grande colère. Et il n'est pas devenu kafir. Mouhim, ça, c'est autre chose. Donc, c'est ça en ce qui concerne, yani, enfreindre l'islam. Reste pour la dernière question, celui qui rate les salats et ne se soucie pas, celui-là c'est un miskin. Celui-là c'est un miskin. Celui qui rate la salat, yani, et ne s'en soucie pas, ça lui dit rien, là il dit j'ai raté une prière, ou là il rit, ou là, celui-là miskin, s'il savait ce qu'il avait fait, s'il savait ce qu'il avait fait, si vous savez que ça veut dire rater une salat obligatoire sans excuse, je suis sûr que personne ne l'aurait fait. Non. Si vous savez que ça veut dire rater une salat obligatoire, rater le dhuhr jusqu'à ce que vienne l'asr, rater le isha jusqu'au lendemain, rater le maghrib jusqu'à l'isha. Si vous saviez c'est quoi rater une prière obligatoire, je suis sûr que tout le monde, yani, aurait fait son possible pour ne pas la rater. Même cette personne, donc, yani, on doit lui faire des nasiha et lui montrer quel est le statut de celui qui rate une salat, et c'est quoi la salat chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi sa valeur. S'il savait sa valeur, il aurait fait ça son possible pour ne pas la rater. Si on savait c'était quoi la valeur de faire la salat, alors personne ne la raterait, inshallah ta'ala. Voilà, inshallah ta'ala, pour les réponses. Et si vous voulez, je vous fasse un rappel sur la salat, je le ferai. Bon, je reviens au messe qui a dit que c'est pas compris, l'essuie-moi sur les chaussettes. Donc je reprends, inshallah ta'ala, une seconde. Pour l'essuiement de la salle, pour l'essuiement des chaussettes, pour qu'une personne puisse essuyer sur ses chaussettes, il lui faut une condition obligatoire. Il lui faut une condition. S'il n'y a pas cette condition, elle ne peut jamais essuyer sur ses chaussettes. C'est quoi cette condition? Il faudrait qu'elle mette les chaussettes dans ses pieds, yani, en ayant les ablutions. En ayant les ablutions, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire si maintenant, moi je vous donne un exemple, je vous donne un exemple. Maintenant, je suis en train de vous parler, je n'ai pas les ablutions. Je n'ai pas. Par exemple, je viens de venir des toilettes, par exemple. Donc, je n'ai pas d'ablutions. Maintenant, je vais mettre mes chaussettes dans mes pieds. Ensuite, je dis, allez, je vais faire deux rakat. Je vais faire neuf et là. De maintenant, quand je vais faire le wudu, je n'ai pas le droit d'essuyer sur les chaussettes. Pourquoi? Parce que quand je les ai mises, maintenant il y a 5 minutes, quand je les ai mises, j'avais pas le wudu. Pour pouvoir essuyer sur les chaussettes, il faut les rentrer dans les pieds après avoir fait un wudu. C'est-à-dire, ou bien après avoir les ablutions. C'est-à-dire, ça fait 1 heure que j'ai fait les wudu. Les ablutions, ça fait 1 heure que je les ai faites. Et j'ai toujours le wudu, je ne l'ai pas perdu. Ça fait 1 heure, mais je n'ai pas perdu le wudu. Je n'ai pas perdu les ablutions. Je vais mettre maintenant les chaussettes. Je peux. Je les mets. Et dans la prochaine salate, si j'ai perdu les ablutions, j'y suis sur les chaussettes. Pourquoi? Je les ai mises, yani, en ayant les ablutions. Donc celui qui n'a pas les ablutions, il ne peut pas mettre les chaussettes jusqu'à ce qu'il fasse les ablutions et lave ses pieds. Si ce n'est pas compris, inshallah ta'ala, dites-moi, je réexplique. Sinon, on passe aux prochaines questions. Donc, question de Oumadina. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une sœur de 25 ans est atteinte d'un cancer métastasé qui lui provoque plusieurs douleurs dans le corps. Le médecin lui a prescrit des patchs de morphine afin de ne pas sentir la douleur. Cependant, ils ont des effets secondaires. Nervosité, distraction, entre parenthèses, elle n'arrive pas à se concentrer en prière. Elle a l'impression d'être droguée. Elle vous demande donc s'il lui est possible de ne pas mettre le patch, car en aucun cas il ne guérit, mais juste ne fait pas ressentir la douleur. De plus, elle n'a pas annoncé sa maladie et le délai de vie que les médecins lui ont annoncé à sa mère, par peur de sa réaction. Peut-elle lui cacher? Barakallahu fikoum, Cheikhana. Question suivante. Cheikhina 2. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous m'aviez expliqué une fois que Allah Azzawajal n'a pas décidé les péchés des hommes, qu'il les a seulement su, et qu'il a par contre décidé les choses qui ne dépendent pas de nous. Mais que dire d'une personne qui est une épreuve pour un autre à cause de son péché? Par exemple, Un voleur entre dans une boutique et tue le vendeur. Allah Azzawajal avait décidé que ce vendeur meure de cette manière-là. Mais si le voleur n'avait pas commis ce péché, le vendeur ne serait pas mort. Donc, est-ce que cela veut dire qu'Allah Azzawajal avait décidé que ce voleur commettrait ce péché pour que le vendeur meure de cette manière-là? Qu'Allah vous récompense par sa miséricorde ainsi que les admins. Amin. Wassalamu alaikum. Question de Qassim 2008. Salam alaikum, Cheikh Hana. Durant ce cours, vous avez évoqué des exemples de takfiré qui souhaitent le khalifa dans leur pays. Est-ce que dans le Coran ou dans les hadiths, il nous est dit qu'il y aura des khalifas dans les pays musulmans? Ou c'est un khalifa pour plusieurs pays? Est-ce une chose qu'Allah Azzawajal a destinée? Donc je passe sur le InSpeak, Inch'Allah. Donc question de Abu Hasna. Salam alaikum, cher. Beaucoup de gens disent que lorsque Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a dit que celui qui ne prie pas sans renier son obligation est musulman, le cher veut dire celui qui prie de temps en temps et en aucun cas celui qui n'a jamais prié. Est-ce vrai? Question de Abu Nour. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais savoir si j'arrive en retard à la mosquée et je trouve l'imam en inclinaison, en ruku. Au moment où je m'incline, l'imam se redresse. Nos voix se rejoignent. Donc, dois-je refaire la raka'a? Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve et nous accorde la sincérité. Amin. Tfadal, cher. السلام عليكم ورحمة الله وبيان وعليكم السلام ورحمة الله فيه صوت الحمد لله Donc, pour la première personne qui a posé deux questions, celle qui est malade de cancer, je dis d'abord, اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. دي بروميرمون. دوزيامون. Si la personne, on lui donne de la morphine ou là quelque chose comme ça, pour subir une opération ou là pour maladie ou là, tout cela, les savants ont dit, c'était permis. Ils ont dit parce que la personne qui va prendre cette chose n'a pas dans l'intention de la prendre pour jouir. Vous savez que ça veut dire jouir mentalement et se faire des rêves et se croire dans des palais, etc. C'est pour ça qu'on prend la drogue, pour se sentir que, khlas, voler dans l'espace. Non, ce n'est pas dans ce but qu'elle a pris, la personne, cette drogue. Mais elle l'a prise dans la contrainte d'un côté et de l'autre pour apaiser les douleurs. N'empêche que je dis à cette sœur, si elle prend, ou là on lui donne, au point où elle ne sait plus ce qu'elle dit, dans ce cas, sa salat n'est pas valide. Si elle prend au cas où elle ne sait plus ce qu'elle dit, dans ce cas, sa salat n'est pas valide. Mais si, comme elle dit, elle peut s'en passer, elle peut s'en passer, car c'est juste pour les douleurs, il vaut mieux qu'elle s'en passe quand il n'y a pas de douleur. Il vaut mieux qu'elle s'en passe tant qu'il n'y a pas de douleur. Pourquoi vais-je prendre une chose sans douleur alors qu'elle m'a été donnée pour la douleur? Comme ça, inshallah ta'ala, si tu la prends dans les douleurs, tu la prises pour nécessité, inshallah ta'ala. Naam. Quant à cacher le délit de vie pour la mère, naam, je dois lui cacher mon délit de vie pour deux choses. La première, pour ne pas lui faire mal, elle souffrirait beaucoup si elle savait que je vais mourir dans 2 mois, là, 3 mois ou là, elle dit la première. Et la deuxième, je lui cache parce que ce n'est pas vrai que je vais mourir dans 1 mois ou là, 3 mois ou là, comme a dit les médecins. Tout ça, ce n'est pas vrai. Car Allah Ta'ala dit dans le Coran que personne ne savait quand est-ce qu'il mourrait. Et combien de gens, on leur a dit, vous allez mourir dans 6 mois, ont vécu 60 ans après. Et combien de gens, on leur a dit, vous êtes masha'Allah, vous avez un cœur masha'Allah, vous allez vivre 100 ans. Et il est mort le même jour. Naam. Comme ça disent, Ahl-Sunnah ou Al-Jama'a. Et Je vous rappelle, comme rappel, le hadith qui se trouve dans Sahih al-Bukhari, où Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu ta'ala anhu, est tombé malade, la maladie de la mort. Déjà, les gens allaient le visiter. Et que le messager d'Allah sallam est allé le visiter. Et que Sa'd lui a dit à Rasulallah, yani, que je vais mourir. Yani, est-ce que j'ai le droit de donner mes biens aux étrangers? Le messager d'Allah, parce qu'il avait une seule fille. Écoutez bien, il avait une seule fille. Est-ce que j'ai le droit de donner mon argent aux étrangers? Le messager d'Allah, Rasulallah, lui a dit, le tiers, et le tiers c'est beaucoup, et premièrement. Et si tu laisses l'argent pour tes héritiers, ce serait mieux que de le donner aux étrangers. Mais si tu dois en donner, donne un tiers et un tiers, c'est beaucoup. Donc, que lui a dit le message d'Allah, il lui a dit, si tu laisses tes biens pour tes héritiers, c'est mieux que de le donner aux étrangers. Pourquoi il lui a dit tes héritiers alors qu'il n'en avait qu'une fille? Eh bien, tout simplement, parce que le messager d'Allah, quand il parle jamais de ses passions. C'est toujours Djibril qui lui dit des choses. Naam, qu'est-ce qui s'est passé? Sa'd ibn Abi Waqqas, yani, s'est levé de sa maladie, cette maladie de la mort. Il s'est levé, khlas, il a été guéri. Et il a vécu, après ça, 48 ans. Et il a eu 21 ou 24 enfants. C'est pour ça que le message d'Allah lui a dit, tu vas laisser tes biens à tes héritiers, pas ton héritière, ta fille, tes héritiers. Tu vas guérir, tu vas avoir des enfants, tu vas avoir 21 ou 24, et tu vas vivre 40 ans ou 50 ans. Subhanallah al-Azim. Donc, si quelqu'un me dit, moi, tu vas mourir dans 6 mois, je lui dis, on verra. On verra si je meurs dans 6 mois ou là, dans 60 ans. Je vais te montrer, moi. Dans 6 mois, je vais venir chez toi, on va me dire, c'est toi qui es mort. Donc, je dis à cette sœur, Inch'Allah ta'ala, que seul Allah Ta'ala décide la mort d'une personne. Et que tout ce que disent les médecins ne doit pas être absolument vrai. Non, ne doit pas être pris comme quoi c'est la vérité absolue. On doit toujours dire que cette chose revient à Allah subhanahu wa ta'ala. El-Muhim. Pour la personne qui a dit que j'avais dit que Allah Ta'ala, ce n'est pas lui qui décidait les péchés. Décidait les péchés. Je dis, Inch'Allah Ta'ala, je n'ai jamais dit cette phrase, sauf si la personne a traduit ce que j'ai dit de l'arabe vers le français. Non. Ce que je dis, et j'ai dit, et je dirai, c'est qu'Allah Azzawajal, non seulement a su que cette personne allait voler ou la tuer, mais encore a écrit qu'elle allait voler ou tuer, mais n'a jamais décidé. C'est la personne qui décide. La personne qui décide de faire le bien ou de faire le mal. Mais Allah Azzawajal, qu'est-ce qu'il sait? Allah Azzawajal, il sait ce que tu vas faire et il l'écrit, c'est tout. Oum Yaqub wa Mariam, le PV bloqué. Qu'est-ce que ça veut dire ça, musulman? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, 50 000 ans avant qu'il ne nous crée, nous tous, a su, seconde par seconde, détail par détail, ce qu'on allait faire. Il a écrit dans un livre qui est chez lui. Au point où, regardez, rien ne va changer du livre. Au point où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est sorti une fois avec deux livres. Un livre dans sa main droite, un livre dans sa main gauche. Il a levé comme ça devant les gens le livre de la main droite. Il a levé sa main, il a dit. Allah Ta'ala, lorsqu'il a créé le paradis, il leur a créé ses habitants. Et dans ce livre, il y a le nom des habitants du paradis. Les noms de leur père, grand-père, et comme ça. Ensuite, il a dit, lorsque Allah Ta'ala a créé l'enfer, il a créé ses habitants. Et il y a dans ce livre, il a levé comme ça la main, le nom de tous ceux qui vont rentrer en enfer. Subhanallah l'Azim. Tout est marqué, tout a été yani, noté dans ces livres. Mais moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce livre. Je ne peux pas dire, je suis sûr que je suis dans le livre des paradis, dans classe. J'abandonne la salat parce que je suis dans le livre du paradis. Ou bien je vais dire, moi, ce n'est pas la peine que je fasse la salat. Peut-être que je suis dans le livre de l'enfer. Je ne sais pas. Si on t'avait montré, d'accord. On ne t'a pas montré où tu es. C'est pour ça que tu dois faire des efforts pour que demain tu dises pas à Allah Ta'ala, je savais pas, ou là je croyais, ou là ceci. Non. Tu fais des efforts le maximum et tu vas voir demain, inshallah ta'ala, où tu seras. Je reviens à cette personne qui a dit, pour la personne qui a tué le, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit quelqu'un qui a tué une personne pour le voler ou quelque chose comme ça. Je dis, la personne qui a volé, ou là, qui a tué, la personne qui a tué, Allah ta'ala, avant de la créer, a su que, à tel jour, telle année, telle seconde, elle allait tuer. Il a inscrit sur le livre qu'elle allait tuer. Mais Allah Ta'ala ne lui a pas dit tuer, ni lui a ordonné de tuer. Il a même interdit qu'elle tue. Il l'a même menacé. Attention si tu tues. Celui qui tue fait un grand péché. Attention. Et cette personne a tué. Vous allez me dire, bien sûr, vous allez me dire, mais Allah Ta'ala, s'il avait voulu, il n'aurait pas laissé cette personne tuer. Je répondrai, Naam. Il a dit dans le Coran, Walau sha'a Allahu maqtatalu. Et si Allah Ta'ala avait voulu, il ne saurait pas entretuer. Il a dit ça dans le Coran. Naam. Il a dit, Walau sha'a Allah, la sallallahu alaykum. Et si Allah Ta'ala veut, aurait voulu, il les aurait yani, acharnés contre vous. Et comme ça. Naam. Mais Allah Ta'ala, quand il laisse quelqu'un tuer, c'est par sagesse. Naam. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Peut-être il veut châtier celui qui va tuer. Il veut le châtier, il le laisse tuer. Comme ça, Yom Kiyama, il va lui montrer. Ah, je vais te montrer, toi. Tu as tué, je vais te montrer. Déjà, pourquoi? Parce qu'il avait fait beaucoup de fautes auparavant. Il veut alors lui faire terminer par le châtier en le laissant faisant faire, quoi? Un grand péché. Ou bien, Allah Ta'ala veut se venger de celui qui va être tué. Qui va être tué était quelqu'un, un grand tueur, un grand criminel, un grand assassin. Allah Ta'ala lui a envoyé cette personne pour le tuer, pour lui montrer que, yani, voilà ce que tu mérites, toi. Et j'ai choisi quelqu'un, un voyou, un truand comme toi, un grand pécheur qui va te tuer toi aussi. Comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, il a dit, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Et ainsi il a dit, on fait yani, les uns contre les autres, mais il a dit les injustes, les uns contre les autres. Pourquoi on les fait comme ça? De par leur péché, de par ce qu'ils faisaient. Celui-là, il faisait beaucoup de péchés. Celui-là faisait beaucoup de péchés. Il va châtier celui-là en le laissant tuer celui-là. Et comme ça, enfin, je veux dire, tout est justice chez Allah Ta'ala. Tout ce que tu vois qui te paraît que c'est injustice, il faut quoi? Il faut te dire, je me trompe. Je me trompe. Je vois pas bien. J'ai pas bien vu. J'ai un cœur sale qui voit pas bien. J'ai un esprit sale. Mes yeux sont sales. Sinon, le Coran, l'islam, Allah, c'est la perfection, c'est la justesse, c'est le juste. Et Yom Kiyama, tu comprendras. Enfin, pour le califat, il dit que. Non. Il dit pour le califat, est-ce que ça va venir, ça va pas venir? J'annonce la nouvelle à tous les sincères que non, le califat reviendra encore une fois sur terre. Que veuillent les gens ou que ne le veuillent pas. Non. Que tous les gens du monde veuillent cette chose, ou que tous les gens du monde, toutes les armées du monde, toutes les polices du monde, tous les gouverneurs du monde, tous les tyrans du monde ne veulent pas que le califat revienne, il reviendra. C'est quoi? C'est le hadith authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, il a été authentifié par Cheikh Al-Albani dans beaucoup de ses livres. Où il a dit, alayhi sallam, que yani, là, le califat viendra encore une fois. Il a dit qu'il va durer 30 ans, et c'est vrai, il a duré 30 ans. Ensuite, il a dit il sera royauté, et c'est vrai, pendant le royaume de les Abbasides Dédé. Ensuite, il a dit il deviendra, il a dit, yani, en ce sens, il a dit il deviendra yani, dictature. Comme militaire, quelque chose comme ça. C'est devenu, nous le vivons. Ensuite, il a dit quoi? Ensuite, il a dit, et viendra ensuite, encore une fois, le califat, comme c'était, ou là, comme c'est, en son temps, lui, alayhi ou là, autant des califes qui allaient venir après lui. C'est-à-dire que, je vous annonce la bonne nouvelle, que viendra un jour, mais c'est pas sûr que nous allons vivre ce jour, hein, Allahu alam, viendra un jour où, tout le monde, commençant par yani, de l'extrême à l'autre extrême, de l'est à l'ouest, sera commandé par un seul homme qui s'appellera Emir Mu'minin, l'émir des croyants, et qui appliquera le Coran et la Sunna. Naam. Et tout le monde sera obligé ou bien d'entrer dans l'islam ou bien de payer ce que payent les gens du livre quand ils vivent sous l'égide de l'islam. Car pour rentrer quelqu'un de force en islam, il n'y a pas. Allah Ta'ala dit, la ikraha fid din. En islam, ce n'est pas permis de faire rentrer quelqu'un de force dans le din. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a dans son cœur. Il te dit d'accord, il vient à la mosquée et quand il se prosterne, il insulte Allah. Voilà. Quand se prosterne, toi tu dis subhanallah, lui il insulte Allah. Il va dire voilà, je vais te montrer. Tu veux me faire rentrer de force? Voilà, je vais te montrer. On ne peut pas faire rentrer quelqu'un de force en islam. Mais on lui dit si tu rentres pas en islam, tu laisses la gouvernance. C'est pas toi qui commandes. Car si tu commandes, tu vas empêcher les gens qu'ils apprennent l'islam. Tu vas dire, il n'y a pas d'islam. Il y a la démocratie, il y a ceci, il y a cela. L'islam, c'est faux et tu combats l'islam. Donc, l'islam t'enlève de la gouvernance, ce n'est pas toi qui gouverne. Ensuite, si tu ne veux pas rentrer dans l'islam, tu veux te priver du paradis et tu veux le feu, tu es libre. Non, reste dans ton christianisme, dans ton judaïsme, dans je ne sais pas quelle religion tu es, et tu payes un impôt par mois ou là par an qui s'appelle jizya. Donc le khalifa, inshallah ta'ala, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est le messager de la sallam qui a dit qu'il va revenir. Mais quand il va revenir, ça ne veut pas dire qu'on va le faire revenir à la manière des takfiri. En mettant des bombes et en tuant les innocents, les musulmans, les musulmines, on tue des centaines par jour et on va dire on va refaire le khalifa. Non, il ne reviendra jamais si on n'est pas sur le minhaj sahih. Si tu n'es pas sur la même voie qu'a suivi le messager d'Allah, wallahi l'ali l'adim, que jamais tu ne verras le califat. Jamais, jusqu'à ce que vienne la fin du monde, Allah Ta'ala leur choisira les meilleurs gens pour leur donner le califat. Quant à ce qu'a dit la personne que Cheikh Al-Albani, en parlant de celui qui n'est pas kafir, c'est celui qui prie et qui délaisse, prie et délaisse. Je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Si quelqu'un dit que, voilà de ce que voulait dire l'Albani quand il parlait de celui qui ne priait pas, qu'il nous montre où ça se trouve. J'ai lu presque tous ses livres, entendu beaucoup de ses cassettes, j'ai jamais entendu ça de lui. Non, jamais entendu ça de lui. D'ailleurs, les quatre grands imams, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed, les quatre disent que celui qui ne fait pas la prière, et s'il la reconnaît, mais il ne l'a pas faite par paresse, et il meurt, ils disent il n'est pas kafir. Donc, si quelqu'un va dire que aussi oh, il parlait de celui qui l'a fait de temps en temps, Allah, j'ai jamais lu ça dans ma vie. Taïb, reste la dernière question, inshallah ta'ala, en ce qui concerne. Mais par contre, je dis à mon frère, Cheikh Mohamed Firkous, il est de cet avis. Il dit que celui qui ne fait pas la prière, que c'est un musulman, à condition qu'il la fasse de temps en temps et la délaisse de temps en temps. Naam. En ce qui concerne l'inclinaison, je dis à la personne, quand on rentre à la mosquée, quand on rentre à la mosquée, ce n'est pas obligé de voir l'imam. L'imam, est-ce que, quand il a dit Sami Allah, est-ce qu'il s'est remis debout ou il ne s'est pas remis? Le hadith se trouve dans Sahih Muslim, où le messager d'Allah a dit, il a dit, tu dois voir le rang qui est avant toi. Des fois, tu es dans une mosquée, l'imam se trouve à 100 mètres loin de toi. Donc, quand on est dans une mosquée, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde le rang le plus proche de nous. Est-ce que les prieurs du rang le plus proche de nous, est-ce qu'ils ont levé leur tête ou là, ils sont toujours inclinés? S'ils sont toujours inclinés, ça veut dire que moi, yani, je dois compter 7 rak'at, inshallah ta'ala, et ce n'est pas obligé de voir l'imam, inshallah ta'ala. والله سبحانه وتعالى أعلم. أتفضل إن شاء الله تعالى pour les dernières questions. Non, cher, tout à l'heure, la personne qui avait demandé si mardi vous faisiez question-réponse, elle demande si vous pouviez lui accorder un rendez-vous téléphonique, Inch'Allah. Donc je passe aux questions suivantes. Question de Nouri Islam 77. Salam alaikum, cher. Barakallahu fikoum pour vos cours. Comment une femme en état de menstrue doit-elle faire sa salat istikhara? Barakallahu fikoum wa salam alaikum. Question de Salaf 59. Salam alaikum wa rahmatullah, cher. Voilà ma question, Inch'Allah. Pouvez-vous expliquer à mes parents, avec les preuves, que lever les mains pour faire des doigts et passer les mains sur le visage ou passer les mains sur la barbe ou autre chose juste après les prières obligatoires est une bid'a. Et non, que les doigts en général sont bid'a. Car je n'arrive pas, ils croient que je dis que toutes les doigts en général sont bid'a. Pouvez-vous répondre en arabe et en français? Et aussi, est-ce que je peux enregistrer? Barakallahu fikoum, qu'Allah vous récompense pour tout, cher. Par contre, Inch'Allah, Salaf 59, précisez si c'est en darija que vous voulez qu'il réponde. Question suivante. Donc, Ibn Abdelrahman, vous n'avez pas ouvert le PV. Je l'ai demandé sur la room. Donc, on passe directement à la question suivante. Khadija. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hafizakum Allah, ya cher. Je voudrais savoir quel est le statut de communiquer avec une webcam, sachant que j'utilise pour communiquer avec ma famille au bled. Barakallahu fikoum. Donc on passe sur le InSpeak. Question de Ibn Mustafa. Salamu alaikum, cher. Pouvez-vous m'expliquer la relation entre le fait de faire les esbab et la confiance en Allah Ta'ala? Barakallahu fikoum. Question de Sarah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, cher, de nous aider à avancer dans le dîn. Qu'Allah vous récompense. Amin. J'aimerais savoir si on fait le wudu en oubliant de dire Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Est-ce que ces ablutions sont valides ainsi que les prières qu'on a fait avec ces ablutions? Barakallahu fikoum, cher, et qu'Allah vous accorde le paradis. Amin. Tfadal, cher. Cheikh, j'ai pas compris pour le wudu. Est-ce que la personne demande si elle a oublié Bismillah ou la demande si au lieu de dire Bismillah, elle a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Elle a dit qu'elle n'a pas dit Bismillahirrahmanirrahim. Tfadal, cher. D'accord. Le temps que je cherche, Inch'Allah ta'ala, le temps que je réponde. Cherchez-moi comment on dit en arabe, yani, comment on dit en France, yani, comment on dit hez, hez, ça veut dire yani, fait bouger. Comment on dit fait bouger la chose. En arabe, on dit hez. Il y a un verbe, mais je l'ai oublié en français. Soulève, là, là. C'est pas soulève. Soulève, c'est du bas vers le haut. C'est comme le tronc. Lorsque Allah Ta'ala dit à Maryam, il lui a dit de c'est pas de bouger l'arbre, il lui a dit il y a le verbe. Non, c'est pas prendre. Secouer. Non, barakallahu fik, secouer. Asabt. Tayyib, ahsant. Voilà, c'est ça. Pour salat al-istikhara, il est monstrueux. Je dis que Allah azza wa jal, c'est lui qui a donné à la femme les monstrueux. C'est lui. Et vous savez que les intérêts qu'il y a dans les monstrueux, seul Allah Ta'ala les connaît. S'il n'y avait pas les monstrues, yani, déjà comment que vivrait le bébé, de quoi il se nourrirait, de quoi le mohim. Et c'est un repos pour la femme, pour la salat, pour que son homme, son époux la laisse tranquille un peu, etc. etc. Le mohim. Donc maintenant que la femme a les monstrues, elle ne peut plus faire salat istikhara. Mais comme disent les oumma, les savants, elle peut quoi? Elle peut seulement lever les mains et faire les doigts de salat istikhara. Nam, salat istikhara, les savants ont dit que si la femme a les monstrues, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lève les mains seulement, sans faire la prière. Et elle dit le même doigt. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, et elle cite la doigt. Inch'Allah ta'ala. Voilà pour la femme qui a démontré. pour les mains et les doigts. Pour les mains et les doigts. Je dis d'abord en français, Inch'Allah, ensuite je dis en arabe. Naam, les savants ont dit en derija. D'accord, pas en français et musulman. C'est pas la peine en français pour les mains et les doigts. Donc je commence par la derija. Ensuite on va voir. Je dis. Naam. Fi ma yخص رفع اليدين. Fi ma yخص رفع اليدين. في الدعاء بعد الصلاة. نعم العلماء قالوا باللي هذا ما ثبتش عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام عمره في حياته كي صلى كي كمل صلاته ما رفع يديه ودار الأدعية، إنما كان كي كمل صلاته واش يدير؟ يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا الجلال والإكرام، يقرأ آية الكرسي، نعم، ويسبح ثلاث مرات ويحمد ويجي ناير. نعم، علاش؟ لأن الدعاء يندر داخل الصلاة، لما الإنسان يكون داخل الصلاة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يقول فاكثروا من الدعاء، يعني الإنسان كي يكون ساجد ليكثر من الدعاء، علاش؟ راه قريب بزاف من الله سبحانه وتعالى. هنا يبروفيتي باش يدعي. أما كي يكمل الصلاة هذا ماهوش وقت الدعاء. لكن إذا كان في داره ولا كان كاش مضرب ولا وتفكر حاجة وحب يدعي، هنا يجوز له يرفد يديه ويدعي، يسأل الله سبحانه وتعالى واش حب. هذاك رفع الايدي باش ترفع يديك في الدعاء، هذا ثابت، هذا صحيح في احاديث صحيحه، بصح ماشي سبيسيالمون مور الصلاه، ماشي مور الصلاه، يعني في اي وقت ما ديرهاش انت غير في الصلاه باش غير مور الصلاه باش ما توليش بدعه، باش ما توليش بدعه. طيب اما المسح على الوجه لما الانسان يكمل من الصلاه يمسح وجهه ولا يمسح اللحيه تاعو، العلماء قالوا الحديث هذا كاين، هذا حديث ضعيف ماشي صحيح، ماشي صحيح. يعني كاين واحد الحديث يقول بلي الانسان كيكمل يمسح اللحيه تاعو ولا يمسح وجهه، لكن العلماء قالوا هذا الحديث ماشي صحيح، ولهذا الافضل الانسان ما يمسحش وجهه بعد ما يكمل الدعاء، يحط يديه فقط. طيب هذا سيتي اون اغاب بور لو فرونسي. ان شاء الله تعالى جو دي كو lever les mains pour faire des doua après la salat n'est pas de la sunna. C'est même de la bida, comme ça on dit les savants. Pourquoi? Car le messager d'Allah, quand il terminait la salat, qu'est-ce qu'il disait? Après avoir dit salam, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, lahum tassalam, minka salam, tabarak tel jalal al ikram. Par exemple, il lit ayat al-kursi, ensuite il dit subhanallah, subhanallah, et les 33, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, il termine, Allahu Akbar, il termine avec la ilaha illallah, ensuite il se levait. Jamais il n'a levé les mains et fait les doigts. C'est pour ça que les savants disent, le fait de lever les mains après la salat pour faire les doigts, ils disent ça rentre dans les bidas. Mais, si on n'est pas après la salat, on est dans n'importe quel moment, chez nous, dans la cuisine, dans le couloir, dans le salon, dans le bus, n'importe où. Ensuite, je veux lever les mains pour faire des doigts. C'est permis. Je lève les mains, je demande une chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça rentre même dans l'adab, le bon comportement de faire les doigts. En effet, en levant les mains pour montrer que on a besoin et que Allah ta'ala nous aide. Mais quand on termine, on ne s'essuie pas avec le visage, ni la barbe, mais on descend directement les mains vers leur place, yani vers leur position naturelle. C'est pour ça que les savants ont dit, comme a dit l'Izz ibn Abdus Salam, rahimahullah, il a dit, « La yamsahu biwajhi illa jahil. » Il a dit, ne s'essuie avec ses mains, ne s'essuie son visage avec ses mains qu'un jahil, qu'un ignorant. Il a dit, c'est l'ignorant qui fait comme ça. Pourquoi? Parce qu'il ignore les hadiths et il ne sait pas qu'il n'y a pas de hadith ou bien que les hadiths sont faibles. Voilà pour les mains et les doigts, inshallah ta'ala. Pour la webcam, je ne crois pas et je ne vois pas où est l'interdiction pour une personne qui voudrait se montrer en webcam à des gens qui ne lui sont pas haram. Si c'est un homme avec un homme, si c'est un homme ou avec sa famille, des femmes de sa famille, si c'est une femme avec une femme, si c'est une femme avec sa famille, des hommes qui sont des mahrams qui peuvent la voir, je ne vois pas où est l'interdiction. L'interdiction, c'est avec les étrangers. avec des étrangers, hein, que une femme se montre avec des étrangers qui peuvent lui prendre sa photo. Même avec une sœur, je donne un conseil. Même une sœur avec une sœur, hein, elle ne devrait pas se montrer en webcam. Sauf si c'est vraiment, vraiment, vraiment une sœur intime. Intime. Qui la connaît vraiment pieuse. Non. Parce qu'il n'y a pas de confiance. Et non, il se pourrait que l'autre, la sœur, aille à la cuisine ou là aux toilettes ou là. Ensuite, il rentre, son mari, il voit la sœur dans la webcam. Et si seulement il la voyait, plus ou moins grave. Si c'est un pervers, il peut prendre sa photo, il peut la photographier. Ensuite, si ça s'arrête là aussi, c'est moins grave. Il peut la mettre dans l'internet, il peut lui faire du chantage, il peut. Allah Ta'ala nous en préserve. Non. Ensuite, pour. Non. Comment d'un côté, on doit prendre des causes et de l'autre, on doit avoir confiance en Allah Azzawajal, le Tawakkul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Non. Les savants disent que le fait de prendre des causes, le fait de prendre des causes, ça rentre tout ça. Yani, prendre des causes rentre lui-même dans le tawakkul d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui t'a dit de prendre des causes, c'est celui qui t'a demandé de placer ta confiance en lui. Donc celui qui t'a dit, prends les causes, c'est celui qui t'a dit de prendre, de mettre ta confiance en lui. Nous, on n'est pas comme les soufis. Les soufis, les soi-disant pieux. Non. C'est comme si quelqu'un ne veut pas prendre des causes. Quelqu'un va dire, Ya Allah, donnez-moi un beau garçon. Il ne veut pas se marier. Marie-toi. Il dit, non, je ne me marie pas, mais j'ai demandé à Allah Ta'ala de me donner des jumeaux. Comment il te donne des jumeaux sans te marier? Ah, non, Allah Ta'ala, il sait qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs. Il va me donner des jumeaux. D'où ils vont sortir les jumeaux? D'un rocher. Va au bord de la mer, dans un rocher, attends qu'ils vont sortir du jumeau. Subhanallah. Non, en islam, on prend, Inch'Allah. Il rit. Hein? Non. Quand je parlais du rocher des enfants qui sortaient, j'ai pensé, où est-ce moi, j'ai pensé à la chamelle de Salah. Pas Salah 19, hein? Salah le messager. Non. Quand la chamelle est sortie, Subhanallah, du rocher. Et la sœur demande est-ce qu'on présente son mahram? Un frère peut l'avoir dans une seconde. Donc je disais que, non, en islam, on prend des sebeb, on prend des causes. Regardez, est-ce que vous pensez que Maryam, que vous connaissez tous, alayhi salam, la mère de Isa, ce qu'ils appellent, est-ce que vous pensez qu'elle n'a pas confiance en Allah subhanahu wa ta'ala? Elle a une grande confiance. Et malgré cela, quand elle l'a accouché, Allah Ta'ala lui a dit, secoue le palmier. Hein? Pourquoi? Allah Ta'ala ne peut pas donner un ordre aux dattes pour qu'elle tombe et qu'elle tombe directement dans sa bouche ou là dans sa main. Il peut ou là, il peut pas là. Il peut. Malgré cela, il lui a demandé de prendre des causes. Il lui a dit, secoue le palmier. Tout en sachant qu'un palmier, si 10 hommes le secouent, ils ne peuvent pas faire tomber la datte. Pour faire tomber la date, il faut monter en haut et la cueillir. Mais Allah Ta'ala veut te dire seulement bouge le doigt et moi je fais la suite. Fais seulement la cause et moi je fais la suite. Donc, tawakkul Allah, placer sa confiance en Allah Azzawajal, ce n'est pas une phrase seulement qu'on dit. Car beaucoup de gens disent tawakkaltu Allah, tawakkaltu Allah, alors que le cœur est vide. Le cœur est vide. Mais tawakkul, tu sens quelque chose dans ton cœur que Allah Ta'ala, il va t'aider et te donner la chose. C'est pour ça, comme j'ai dit plusieurs fois, combien de gens disent la phrase Tawakkaltu Allah et ce ne sont pas des mots Tawakkilin. Et combien de gens ne disent pas cette phrase, mais ils ont le Tawakkul dans le cœur. Ils ont le Tawakkul dans le cœur. Voilà pour les causes. Les causes, Inch'Allah Ta'ala, on doit les prendre. C'est pour ça que les savants ont dit, si jamais quelqu'un sait qu'il va mourir de faim et il n'a rien trouvé à manger, sauf du porc, écoutez bien, le porc, et il dit, non, moi j'en mange pas, je préfère mourir que de manger. Celui-là, les savants ont dit, s'il fait comme ça, il meurt, il s'est tué. Non, celui-là, il s'est suicidé. Pourquoi? Parce que celui qui t'a dit mange, c'est qui? C'est celui qui t'a créé. C'est celui qui t'a dit, celui qui a dit que le porc était interdit, il t'a dit ici, pour toi, toi X, qui va mourir de faim, il est permis. Il n'est pas permis pour les autres. Il est permis pour toi. C'est une permission de moi. Toi, tu lui dis non. J'aime pas et je prends pas ta permission. Je meurs. Alors, Allah va dire, je vais te montrer alors. Meurs et je vais te montrer où je vais t'emmener. Parce que tu es un désobéissant. Je t'ai dit, voilà la permission. C'est comme si tu as dit, je ne veux pas ta permission, Starfella. Et la même chose, si une personne, yani, un os, lui reste planté dans le gosier et classe, elle va mourir et il y a devant elle, il n'y a pas d'eau. Il y a un verre de vin. Et elle ne veut pas boire quelques gorgées pour faire descendre l'os. Elle dit non, j'ai peur d'Allah, etc. Non, donc les causes, inshallah ta'ala, nous on les prend. Non, et c'est Allah ta'ala azzawajal qui fait la suite. Donc, est-ce qu'il reste quelque chose? Non, pour le adhan, le adhan. Afwan, pas le adhan, le wudu. Le wudu et bismillah. Je dis d'abord à cette personne que ce n'est pas de la sunna avant le wudu de dire bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mais il est de la sunna de dire bismillah, c'est tout. C'est pas bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah, ça suffit. Comme ça nous a appris le messager d'Allah, sallam. Dit wahda. Deuxièmement, si pendant le wudu, j'ai oublié bismillah et j'ai commencé le wudu. Ensuite, à l'intérieur des wudu, je me suis rappelé. Quand je suis arrivé à mes cheveux ou bien à mes pieds, je me suis rappelé. J'ai dit, subhanallah, je n'ai pas dit bismillah. Qu'est-ce que je fais? Je dis bismillah ici et je termine. Je continue et je termine. Je ne reviens pas marche arrière. Je me suis rappelé à mes pieds, je continue. Je dis bismillah et je continue, même s'il me reste un pied, même s'il me reste un orteil. Je dis bismillah et je lève, je lave afwan, la dernière partie du pied et alhamdoulillah. Mais les savants ont dit, si quelqu'un a terminé le wudu, khlas, il l'a terminé, il n'a pas dit bismillah. Si c'est facile pour lui de le refaire le wudu, qu'il le refasse. Si c'est difficile, il fait très froid, ou là il n'y a pas d'eau, etc. Khlas, les savants ont dit, il a oublié, il a oublié. Donc je dis à cette personne que ce n'est plus possible parce que yani, elle a oublié des wudu, elle n'a pas dit bismillah, qu'elle aille maintenant refaire les wudu et refaire les salats. Tout cela, inshallah ta'ala, c'est une permission de ne pas les refaire. Pour terminer la question, la personne a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit à la webcam, tandis que je la lise. Est-ce que tu peux me lire la question, inshallah, tfadl, parce qu'elle est en haut? Salam alaikum. Naam, donc la sœur, elle dit, si en présence de son mahram, si un frère qui est à l'étranger peut la voir à la webcam dans le but de venir la demander en mariage. Tfadal, cher. Ah oui, afwan, cher, juste une chose. Le frère Abraham, Inch'Allah, demande s'il peut mettre une annonce pour le séminaire. Il va avoir, Inch'Allah, un séminaire à Saint-Étienne et il demande s'il peut mettre l'annonce pour les frères et sœurs. Barakallahu fikoum. Tfadal, cher. Inch'Allah ta'ala, pour l'annonce, c'est permis. Et pour le numéro fiché le numéro de téléphone. Pour l'appel téléphonique, Inch'Allah ta'ala, si j'oublie pas, demain c'est à 14h. Dis à la personne, demain entre 14h et 14h30, elle téléphone. Si Inch'Allah ta'ala, je n'ai pas oublié, je mettrai la puce ADIC, la carte SIM, les appels. Ensuite, Nam, c'était quoi la question? Eh, Nam, pour la webcam. Pour la webcam. Tayyib, Abrahim, lis-nous, inshallah ta'ala, l'annonce. Lis-nous l'annonce, car il y a des gens sur l'inspeak qui ne l'entendent pas. Tfazzal. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue. Donc c'est un rappel pour les frères et sœurs, il y en a qui désirent assister au séminaire de Saint-Étienne le week-end du 18, 19 et 20 décembre. Avec le frère Hassan Abu Asma, Amar de Medine, Sulaiman Hayati, Ahmed Abu Mariam, et d'autres, Inch'Allah, comme Sofiane Abu Ayyub, Anas, Et le frère Abou Anas, c'est le frère Abou Zaïd. Donc, Inch'Allah, voilà, c'était pour les frères et sœurs et amis qui voudraient y assister, Inch'Allah. Il y aura plus de renseignements dans le site que dans le lien que je vais vous mettre là. Inch'Allah. Salam. Donc, j'espère que vous avez entendu yani, l'annonce. J'espère que vous avez entendu, Inch'Allah Ta'ala, l'annonce. Un copier-coller du site de PAL. Naam, Abu Huraira, Inch'Allah Ta'ala, est-ce que tu peux leur mettre un copier-coller sur le PAL, sur Westmoulin Speak, qu'ils disent qu'ils ne voient pas pour mieux lire. Naam. Et enfin, Inch'Allah Ta'ala, pour la question de la personne qui a dit que est-ce que c'est possible? On n'a pas mis le site, d'accord. Pas mis le site. Il y a Bouzer qui n'a pas de site. Donc, pour la personne qui a dit que le frère était loin, etc., est-ce que c'était possible que si la sœur est avec sa famille, qu'il la voit lui, qu'il la voit de loin, de la ville où il est, il la voit à travers la caméra. Pourquoi? Parce que elle est loin, elle est dans une autre ville et c'est difficile yani, d'aller là-bas, etc. Réponse. Cette réponse que je vais donner, Inch'Allah Ta'ala, c'est une réponse personnelle. Peut-être je vais dire juste, peut-être je vais dire faux, Allahu a'lam, mais c'est une réponse personnelle, Inch'Allah Ta'ala. Pour mon avis, parce que j'ai pas lu encore ça. J'ai pas lu ce que disent les savants sur ça, sur une question pareille. Sinon, en général, ils ont beaucoup de réserves pour la webcam. Al-Muhim, je dis, Inch'Allah Ta'ala, pour moi, je ne suis pas convaincu de cela. Pour moi, la sœur ne devrait pas faire cela. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le frère qui va la voir de sa ville, elle est avec sa famille, il est obligé de la voir. Un visage découvert, n'est-ce pas? Même si elle porte le sitar, elle porte le niqab. Sinon, à quoi ça sert qu'il la voie? Donc, devrait enlever le sitar et enlever le niqab. Et ensuite, maintenant, quelle est la preuve que celui-là est pieux, etc., et qu'il ne va pas la photographier? Car vous savez, quand on voit quelqu'un sur la webcam, il y a un bouton qui s'appelle, ici, ça s'appelle imprime écran. Juste. Tu appuies sur lui, imprime écran, et la photo de l'écran va rester telle qu'elle. Ensuite, tu peux prendre la photo où il y a la famille, la sœur et la famille, et avec le Photoshop, etc., tu vas ce qu'on appelle rogner. Tu vas rogner la photo de façon à enlever toutes les personnes qui sont à droite, à gauche, en haut et en bas, et reste seulement la sœur. La sœur seulement. Ensuite, avec cette photo, tu peux faire ce que tu veux. L'envoyer chez les frères, faire le chantage. Je ne sais pas, mille et une choses. C'est pour ça, hein, je ne conseille pas à une sœur qu'elle se fasse voir par la webcam à un homme. Car rien ne prouve qu'il va être son mari. Il va seulement la voir et peut-être après il va dire non, elle ne me convient pas. Et peut-être que même il va lui faire le chantage ou de là. C'est un conseil que je donne, qu'il fasse comme les salafs, yani qu'il vienne vers yani l'endroit où il veut demander la main. Même si c'est loin, c'est ça le mariage. Le mariage, c'est des années. Des années, tu cours, tu crois que c'est celle-là, ensuite c'est pas celle-là, tu demandes celle-là sa main, on te refuse, celle-là, on te dit dans 3 mois, on te rend la réponse. L'autre, son père n'est pas là, l'autre, c'est loin, l'autre, c'est ça le mariage. Naam. Et, Inch'Allah Ta'ala, s'il y a du bien, Allah Ta'ala va t'aider. S'il y a du mal, demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala de l'éloigner de toi. Si c'était le contraire, Inch'Allah Ta'ala, je ne vois pas d'inconvénient. Si c'était le contraire, c'est-à-dire la famille de la femme veulent voir l'homme qui est loin. Ils disent on veut d'abord voir cet homme, physiquement s'il remplit les conditions. Ensuite, s'il est bien ou là, on le laisse venir. Et ensuite, lui, il se fait voir. Dans ce cas, Inch'Allah Ta'ala, il n'y a aucun mal. Parce que c'est toujours un homme. Qu'est-ce qu'on peut faire de lui? Même si on le photographie, ça ne va rien donner. Non. Mais une sœur, je ne pense pas que ça se fasse. والله سبحانه عز وجل أعلم يفضل رانديفو إن شاء الله تعالى سي كوا aujourd'hui سي samedi je vous donne rendez-vous إن شاء الله تعالى mercredi mais il est possible إن شاء الله تعالى que que comme la semaine passée, il est possible qu'on se rencontre lundi, bi-idhnillahi, il est possible. On va voir lundi, inshallah ta'ala, sinon mercredi. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, portez-vous bien. Que Allah ta'ala vous préserve, nous préserve tous, nous guérisse, nous aide, nous paye nos dettes, nous marie, nous donne des enfants, nous fasse la bénédiction, nous apprenne la science. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.